Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission devant nous. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Et je suis accompagné de monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Ça va, à part que j'entends des choses bizarres dans mon casque d'écoute. Ah. Mais c'est des ajustements. Ouais, mais tant que c'est pas des gens morts, ça va bien. Ben, c'est ça, j'ai un doute. J'ai un doute là-dessus. Où c'est Dieu tue des gens. Et là, non! Et non, mesdames et messieurs, ce n'est pas un fantôme que vous venez d'entendre. C'est M. Julien Materne. Salut, Julien. Salut, gang. Ça va bien? Oui, toi. Et là, M. Materne, on sait bien, tu es notre expert en comic book. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, vu que ça tombe pas mal bien aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de Batman. Hourra! Donc, on parle de Batman. Donc, on va parler du 75e de Batman avec tout plein de bonnes BD pour vous un peu plus tard dans l'émission, en fait, lors de la deuxième heure. Et nous allons avoir aussi M. Pierre-Luc Pelletier en début d'émission qui va nous parler, et tenez-vous bien, d'ampoules intelligentes. En fait, Pierre-Luc m'a parlé de ça hier, on a pré-enregistré l'entrevue comme d'habitude. Et là, en fait, si vous allez voir, on va parler de sécurité informatique et des brèches de sécurité à cause des ampoules intelligentes. Et en fait, des nouveaux défis des compagnies finalement pour ce qui va être du partage d'informations entre les objets intelligents, et on va parler bien évidemment grâce à ça de l'internet des objets, tout ça avec monsieur Pierre-Luc Pelletier en début d'émission. Mais avant tout, je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. D'ailleurs, monsieur Castegan et moi tenons à vous dire, il y a eu un petit problème en début de semaine pour le téléchargement des émissions via le site. C'est un problème de plugin avec notre lecteur média sur le site. Donc, ne désespérez pas. Normalement, vous pouvez l'écouter au moins en streaming. Si le téléchargement, ce que ça faisait en fait, c'est que ça avait l'air de télécharger super vite, mais en fait, télécharger comme la première minute et demie du show, puis c'est tout. Mais ça devrait se régler avec une update du plugin prochainement, dans pas très longtemps en fait. Si c'est pas déjà fait, ce sera vérifié. Sinon, ben, écoutez-le directement en streaming sur le site. Et aussi, ben, on vous invite à nous rejoindre via Facebook, bien évidemment, sur la page de Puissance Maximale. Allez appuyer sur le bouton j'aime, parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Puis en plus, on est rendu à 444 likes, mesdames et messieurs, donc proche du 500. Écoute, Andrew, ça va faire 3 ans au mois de novembre prochain que on est à la barre. Qu'on s'occupe de l'émission, parce que le show à partir de septembre prochain va avoir 7 ans. Puis quand on a commencé, la page de Puissance Maximale avait 30 likes. Oui. Fait que moi, je suis content d'où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc, 500 likes, ça s'en vient rapidement. Partagez, bien évidemment, la page de Puissance Maximale auprès de vos amis. Partagez l'amour. Mais aussi grâce au fait que vous aimez la page de Puissance Maximale, vous pouvez participer à nos concours estivaux sur la page. Parce donc, que Dieu sait qu'on en a. On en a 2, en fait, par semaine, pas par mois, par semaine, mesdames et messieurs. Mike, avant que tu donnes les détails du concours, là, ça fait longtemps. Là. Je peux-tu le mettre? Allons-y. Oh oui! Concours à Puissance Maximale! Voilà, c'est notre thème en fait de concours tout simplement. Et grâce à Pink Vivi, notre ami artiste, nous faisons tirer à chaque semaine des produits qu'elle fait. Donc vous allez avoir des stickers, des signets, des petits macarons, plein de trucs. Donc suffit de partager l'image que je mets en ligne sur la page de Puissance Maximale et d'aimer la page de Puissance Maximale et celle de Pink Vivi. C'est aussi simple que ça. Et on fait la même chose avec nos amis du pub La Revanche à Québec. Si vous voulez gagner des laissez-passer pour La Revanche, pub ludique, doit-on le rappeler, vous pouvez vous présenter, vous payez un 5$ et vous jouez toute la journée à plein de jeux de plateau, jeux de société, au-dessus de 1000 jeux sur place. Vous pouvez grignoter, boire du bon cidre également et repartir aussi. Du très bon café. Et du bon café. Et vous pouvez même acheter des jeux sur place. Mais grâce à Puissance Maximale, vous pouvez gagner des billets pour rentrer gratuitement à La Revanche. Donc, tout simplement, le même principe. Vous partagez la photo de la semaine de La Revanche que j'ai mis en ligne et vous aimez la page de La Revanche et celle de Puissance Maximale et vous êtes éligible au concours, tout simplement. Donc, pour l'émission de la semaine passée, les gagnants seront annoncés à la fin de cette émission-ci. Voilà. Les messages d'usage étant faits, M. Castegan, nous allons partir en première pause musicale, déjà pour introduire tout de suite après la chronique de M. Pierre-Luc Pelletier. Et là, on dit souvent, tu sais, Mike, tu passes pas mal de métal à l'émission, on aime ça, mais des gens disent que la musique métal, c'est vide, ça n'a pas de discours intéressant. À ça, je réponds non, mesdames et messieurs. On peut même trouver des chansons métal qui parlent de philosophie. Et je vais vous envoyer une chanson métal parlant de philosophie faite par M. Mononcle Serge lui-même et Anonymous et qui nous parle du concept de l'être en tant qu'être. Ben, plus ou moins du concept, mais bref, il en parle dans cette chanson. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. L'essentiel est hermeneutique. Son intuition est high-détique. L'ontologie pose la transcendance. La théologie pose la transcendance. Bon, pas hip, pas geste, pas juste. Le paysage rassurant de mon agir s'évanouit. Je suis maintenant nu et à la merci de l'être en enquête. L'être en enquête, nu et à la merci de l'être en enquête. L'être en enquête, l'être en enquête, nu et à la merci de l'être en enquête. Jacob, Jacob, Jacob, On joue Everett, on joue Sagan, muss dat Kunfinch denken lernen. Hier au matin, je regardais par la fenêtre, quand que j'ai vu passer l'être en conquête. L'être en conquête, l'être en conquête. Pas besoin de flashlight, je m'ouvre à la lumière de l'être en ton être. L'être en enquête, l'être en enquête. C'est au fond de son lit, c'est au bout de la nuit. L'être en enquête, l'être en enquête. Il est temps que je change le visage de mon Dieu. L'être en enquête, l'être en enquête. C'est la plus belle saison de ma vie. L'être en enquête, l'être en enquête. Hey la gang, ça m'embrasse la cabane avec l'être en enquête. Tout en mangeant un hamburger, hamburger, hamburger. Moi je lisais du Heidegger, Heidegger, Heidegger. Je nourrissais à la fois mon ventre et ma tête. J'étais à la fois pénétré de viande et de l'être en anglais. L'être en enquête, pénétré de viande et de l'être en enquête. Roar! Wunderlich, meinen, wunderlich, nunderlich, wunderlich, route. Pénétrer dans ton gate, pénétrer dans ton gate, pénétrer la viande et de l'être en ton gate. Menace fois vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, il faut que t'écoutes la chronique Sécurité informatique. Et oui, de retour à puissance maximale avec M. Pierre-Luc Pelletier pour sa chronique Sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va numéro un. Et là, Pierre-Luc, on va avoir un sujet, ma foi, des plus... pas étrange, mais disons inusité. On va parler d'ampoule aujourd'hui. On va parler d'ampoule intelligente et de sécurité informatique. Explique-moi ça. Ben, en fait, c'est vrai que ça piquait un peu ma curiosité parce que c'est le genre de nouvelles qu'on n'est pas habitué de voir. Mais oui, de plus en plus, avec ce qu'appelle l'Internet des objets, il y a toutes sortes de choses qu'on n'est pas habitué de voir sur Internet ou sur nos réseaux à nous, à la maison, qui de plus en plus vont se mettre à se parler entre eux autres, puis interagir. Et parmi les premiers, c'est les ampoules intelligentes. Donc, qui promettent de faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire, par exemple, vous vous réveillez le matin, puis la lumière va monter tranquillement, donc ça vous réveille tranquillement. Des fondus de couleurs, parce que ça peut faire toutes sortes de couleurs, donc c'est bien pour, par exemple, des restaurants ou des trucs comme ça. Le contrôle absolu de la lumière via son téléphone. Donc, c'est un peu le but là, du produit. Sauf que si on communique avec son téléphone, via son téléphone avec les ampoules, ça veut dire que il y a du réseau sans fil d'impliqué, il y a de la communication, donc il y a de l'information, donc ça veut dire qu'il y a de la sécurité à avoir sur cette information-là. Et là, Pierre-Luc, question comme ça. Habituellement, là, on avait déjà parlé justement de l'Internet des objets. Entre autres, on avait parlé d'un frigo qui avait été hacké. Il y a un ordinateur dans le frigo à ce moment-là. Il y a ce qu'il faut. Mais là, au niveau des ampoules, c'est quoi? C'est les ampoules ont à l'intérieur même des microprocesseurs avec lesquels on va pouvoir communiquer, ou c'est branché sur un système qui... C'est avec le système finalement qu'on est branché. C'est vraiment avec les ampoules. On va rentrer directement l'ampoule dans le socle d'ampoule standard. Puis de là, il y a des tout petits microprocesseurs qui prennent pas beaucoup d'énergie, mais qui sont juste assez pour donner la puissance qu'il faut pour faire certains calculs simples, recevoir de l'information, donc via réseau sans fil, tout ça, parce que bien sûr, il y aura une antenne sans fil qui vient avec. Ils vont communiquer entre elles pour se passer des informations, comme quoi maintenant il faut que j'allume rouge, fait que ça va se passer soit d'ampoule en ampoule. Nous, avec notre téléphone, on va parler à l'ampoule maître, si on veut, puis ensuite c'est distribué à travers les autres ampoules. C'est vraiment particulier, mais c'est vraiment embarqué. Donc, c'est son téléphone, les ampoules, il n'y a pas de boîte à côté, il n'y a pas de... C'est vraiment une communication à peu près directe, à part votre routeur à la maison chez vous, là, pour votre propre environnement sans fil. Là, tu es en train de me dire que là, tout ça va être branché justement sur le téléphone. Là, par exemple, un truc qui pourrait arriver, ça se pourrait-tu, notification sur mon téléphone, les ampoules chez nous avertissent. Exact, c'est exactement, c'est une des applications, c'est-à-dire, soit une alarme ou vraiment une notification comme quoi vous avez reçu un SMS, ça se mettrait à clignoter ou changer de couleur, vous avez le contrôle là-dessus. Donc c'est vraiment, c'est peut-être un peu invasif, là. Surtout si vous avez beaucoup de notifications puis que vous n'êtes pas tout seul à la maison. Là. Faut vraiment pas vouloir manquer son texto pour... C'est ça. Faut vraiment que ça soit un SMS important. Mais là, avec tout ça, là, on comprend comment ça va fonctionner. Mais là, il y a des gens qui ont se sont penchés sur ce produit-là, des hackers, là, pour pas les nommer, et qui veulent s'amuser avec ça. Ben ouais, ben c'est comme justement on parle beaucoup de l'Internet of Things, l'Internet des objets sur ben dans notre domaine à nous, la sécurité, ben c'est certain que ça attire l'intérêt, ce genre de produits qui communiquent via le réseau sans fil. Donc ils se sont intéressés à ça. Et ils ont trouvé qu'en fait, la communication se fait entre les ampoules, mais toujours avec la même clé de chiffrement. Bon, cette clé-là de chiffrement a été assez difficile pour eux, ben, relativement difficile pour eux à aller chercher. Mais bon, c'est des professionnels et tout. Ils y sont arrivés. Ils ont trouvé la clé dans le firmware de justement d'une ampoule. Ils ont démonté une ampoule carrément. Ils ont joué avec le hardware pour essayer de trouver la clé à l'intérieur. Okay. Et ben, une fois que c'est trouvé, ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est que c'est la même clé pour toutes les ampoules. Donc, à partir du moment où eux avaient fait le travail, ben, toutes les ampoules étaient vulnérables, en fait. Quand on pense à l'information, en fait, qui est là-dessus, eux communiquent donc via le réseau sans fil, donc votre réseau sans fil à vous. Donc, ils doivent avoir un certain mécanisme de communication de l'information de votre réseau sans fil, donc votre mot de passe sans fil, donc votre mot de passe de votre réseau, donc typiquement c'est de l'information qui est sur les ampoules. Ben oui. Donc il s'agissait avec cette clé là de se présenter en fait avec un laptop normal, de dire voilà, je suis une ampoule parmi tant d'autres, je suis une nouvelle ampoule, puis automatiquement en fait on était ajouté dans le groupe avec les informations qui allaient bien, dont le réseau sans fil, les informations de votre réseau sans fil. C'est que c'est ultra simple à ce moment-là, ça peut donner une porte d'entrée assez facile à un système via les ampoules. C'est ça, c'est qu'avec cette clé-là, ben, la clé donc qui, je rappelle, est toujours la même qui est donc partagée entre toutes les ampoules. Mais là, quand tu dis toutes les ampoules, Pierre-Luc, c'est-tu toutes les ampoules disons d'un propriétaire ou c'est vraiment toutes les ampoules de ce type-là? Toutes les ampoules. Toutes. Ah mon Dieu. Ouais, c'est toujours la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est publié sur Internet, n'importe qui peut rentrer dans le réseau sans fil de n'importe qui a ce type d'ampoule-là. Donc, je parle au présent, mais en fait, ça a été patché par la suite. Hein. Okay. Il y a eu un patch de sécurité. Ils ont été très réactifs là-dessus. Bon, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de d'intérêt sur justement l'Internet des objets, tout ça. Donc, ils avaient justement intérêt à bien fermer la brèche le plus rapidement possible, bien réagir sur le sujet. Et ils l'ont fait. Mais bon, après, ça veut dire qu'il faut quand même penser à des mécanismes de ce type-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour sécuriser justement la communication comme ça dans des ampoules, si on veut que ce soit simple, parce que c'est toujours une question de simplicité. Si on est pour avoir 100-150 objets communiquant entre eux d'une façon ou d'une autre, on veut pas que passer une demi-heure à synchroniser, à configurer cet objet-là pour le mettre sur votre sans fil. Donc, on veut que ce soit simple, mais il faut trouver le bon ratio de simplicité versus sécurité, et puis c'est toujours le problème. On dit toujours la facilité, la simplicité en fait est toujours l'ennemi de la sécurité. Sinon on aurait tous des mots de passe à 3 caractères, ça serait facile. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment un cas typique là. Ça va se reproduire, on sait très bien que ça va se reproduire dans le futur. Mais il faut vraiment commencer à penser que des vrais têtes pensantes, des gens de haut niveau de la sécurité s'attardent à comment faire. Donc moi, ce que je trouve étonnant que ce genre de produit-là, Pierre-Luc, là, ça arrive sur le marché, c'est tout nouveau, mais tu sais, toi et moi, ben toi t'es un expert là-dedans, mais même moi là qui n'ai pas mon nez là-dedans à cœur de jour, je sais que dès qu'on est connecté sur Internet à un réseau, on est vulnérable, faut se protéger. Je peux pas croire que les gens de la compagnie qui ont développé ce produit-là ont pas pensé au problème que ça pourrait poser. C'est parce que c'est particulier. C'est une compagnie qui a été lancée sur Kickstarter, donc c'est pas nécessairement lancé avec une approche sécurité vraiment pensée du début à la fin. Comment dire, développer son produit en disant comment est-ce que je vais le sécuriser. C'est venu après. Je veux que ça fasse ça. Mais ensuite, comment je vais le sécuriser. Donc c'est juste une, c'est, comment dire, ça vient après, c'est vraiment une pensée donc de deuxième ordre. Donc eux, ils s'arrangent pour que ça marche, puis après ils vont peut-être le sécuriser. Ben, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec ce patch là sur des grosses compagnies qui se lanceraient là-dedans, qui donc savent, parce qu'ils ont des experts sécurité. Ça, finalement, c'est juste une personne qui a eu cette idée-là et qui a lancé sa compagnie qui sur Kickstarter. Donc voilà. Mais une vraie compagnie de sécurité, une compagnie, c'est-à-dire assez grosse pour avoir des experts sécurité, va avoir cette, ou devrait en tout cas avoir la facette sécurité en tête dès le début du développement d'un produit, parce qu'il faut vraiment l'intégrer du début. C'est vrai que lorsqu'on programme n'importe quoi, c'est vrai aussi lorsqu'on crée un nouveau produit, puis c'est encore plus vrai pour ce qu'ils appellent l'Internet of Things. Donc éventuellement, avec le temps, il va y avoir des standards qui vont émerger, ce sera facile de s'appuyer sur ces standards-là, de les implémenter dans son produit. Sachant que la difficulté, c'est justement, c'est des petits produits, il y a une simplicité qui est nécessaire, puis il y a aussi, justement, dans le cas d'ampoules, l'utilisation de l'électricité. On veut surtout pas que nos ampoules intelligentes prennent beaucoup d'électricité juste pour faire tourner des algorithmes de chiffrement, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intensif en termes de CPU, donc ça prend de l'électricité. Donc, il faut penser à, comment on va faire notre chiffrement. Comment est-ce que quel hardware, donc quel genre de microprocesseur est-ce qu'on va devoir embarquer. Donc c'est vraiment des choix assez compliqués, mais une fois que les standards vont émerger, ça va devenir de plus en plus facile. Puis toujours avec la miniaturisation, on prend toujours moins d'électricité, donc on va vers la bonne direction, mais là, on est au tout début, au balbutiement du concept. C'est ça qui est drôle, c'est que on a l'impression qu'on fait des ordinateurs depuis des décennies, on a Internet depuis des décennies. Ça devrait être facile, ça devrait être réglé, tout ça. Mais en fait, ça, c'est des nouvelles approches, des nouveaux problèmes. Puis on est obligé de retourner sur les planches à dessin, puis se demander comment on va faire ça. Est-ce qu'on va aller plutôt vers, par exemple, un système de pairage à la Bluetooth. Moi, c'est ce que je pense. Je le ferais comme ça, c'est-à-dire on aurait la nouvelle ampoule qui aurait un 4 chiffres, par exemple, juste décrit sur une étiquette, juste dessus. Puis il s'agit juste de, avec votre téléphone, vous dites oui, je veux une nouvelle ampoule. On allume l'ampoule et on dit voilà les 4 chiffres. Ce sera une espèce de pairage comme ça. Donc, on serait certain qu'on en ajoute une seule et que c'est la bonne. Donc, plutôt que de dire aussitôt qu'il y en a une, c'est bon, elle est dans le groupe. Donc, c'est le genre de juste milieu là, qu'il faut trouver. Je dis pas que j'ai la solution, là, loin de là, ça peut être une solution. Peut-être que ça peut être une solution bonne dans certains cas, mais pas dans d'autres. Parce que ce genre de produit-là amène justement des nouvelles questions au niveau du partage d'informations sans fil entre les objets. Fait qu'en même temps, ça peut peut-être pousser l'industrie à aller ailleurs. C'est ça. En plus, nous, on est habitué avec des routeurs qui ont un routeur sans fil qui crée un réseau sans fil. Mais ou peut-être deux, des fois, il y en a qui sont assez bien faits pour avoir un réseau juste pour les invités, par exemple. À terme, peut-être qu'il va en falloir au moins trois, un pour tous les objets intelligents. Donc, peut-être même plusieurs, parce que les ampoules, on peut pas nécessairement qu'à parler à notre frigo, à part peut-être l'ampoule dans le frigo, mais ça, c'est une autre histoire. en fait, il va y avoir des cas où il va falloir que ça communique, mais il va y avoir des cas où on va vouloir plutôt séparer les différents flux pour des raisons de sécurité. Essayer d'isoler au maximum chacune de ces utilisations-là du sans-fil. Excellent. Écoute, Pierre-Luc, ça va vite. Moi, je pensais jamais qu'on irait aussi loin en parlant d'ampoule intelligente. Pour terminer la chronique, je pense que tu as des suggestions à nous faire au niveau de certains sujets. Mais évidemment, on tient à rappeler, je le rappelle pas assez souvent, là, mais toi, tu as un site internet, le sécurité101.com. où on peut trouver justement des articles que tu vas commenter sur des articles qu'on retrouve sur la toile justement sur la sécurité informatique. Oui, exactement. Moi, ben, en fait, c'était en fait ce que je voulais surtout souligner, c'était le fait que si vous avez vous des suggestions de choses que je pourrais parler justement par rapport à la sécurité, mais c'est toujours bienvenu. En fait, j'ai une section contactez-moi, vous allez là, il y a un formulaire, vous dites que c'est pour une suggestion de sujet puissance maximale, et puis je vais voir ce que je peux faire, puis ça pourrait être un sujet très bientôt. Excellent. Et j'imagine si les gens ont des questions aussi pour toi, ils peuvent communiquer via le contact. Oui, des questions sur les sujets, des sujets que j'ai déjà parlé, ou en général sur la sécurité aussi, je vais répondre aux questions. Même si j'en parle pas à l'émission. Excellent. Écoute, c'était Monsieur Pierre-Luc Pelletier du blog sécurité101.com. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir parlé avec nous, et on se dit au mois prochain. Merci, Michael. Bye. Salut. My name is Greg Smythe. I'm from OUIU, and you're listening to Puissance Maximale. maximale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mickaël Michaud au micro pour les nouvelles ludiques puissance maximale. Et je suis bien évidemment accompagné de mes collègues, M. Enro Castegan à ma droite. M. Castegan, bonsoir. Bonsoir, M. Michaud. Je vous entends pas très bien, la réception Internet est mauvaise ici. Et malheureusement, nous devrons nous contenter de cela, M. Castegan, malgré votre 2 mètres de distance avec moi. Et M. Julien Materne, bien évidemment, en face de moi. M. Materne. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons tout de suite y aller avec les informations ludiques, mesdames et messieurs. Et nous irons avec « Saviez-vous que… » Ça, c'était ton cue, Andrew. Ah, ok, ok, ok. Non, ben en fait, saviez-vous que les premières 100 000 copies imprimées de Tiger Woods 99 PGA Tour Golf contenaient un vidéo caché dans la cartouche qui était un vidéo qui s'appelait Jesus vs. Satan et c'était le vidéo pilote de la série South Park. Ouais, ouais. Quoi? Ouais. Les 100 000 premières copies de Tiger Woods 99 PGA Tour Golf contenaient un fichier vidéo caché okay. qui était un vidéo voilà. qui s'appelait Jesus vs. Satan. Ok, c'est fait que tu vas avoir une mission, Andrew, pendant la pause musicale de la mi-émission. Faut trouver ce vidéo là sur Internet. Il l'a, j'ai le lien YouTube. Bon, ben, envoie-moi ça, je vais poster ça directement sur la page Facebook pour que les gens puissent le voir. Ah, ouais. Et ils disent-tu. Pourquoi il avait mis ça surtout sur ce jeu-là? Aucune idée. Aucune idée. Parce que South Park. Non, c'est ça. Oui, mais je veux dire, hey, les gars de EA, parce que c'est EA qui faisait le jeu. Écoute, on parle quand même d'une gang de gars, la gang South Park, qui ont fait une comédie musicale sur les Mormons. Puis ils ont fait un film sur une pensitaire mormon. Moi, le problème. Orgasme en passant à voir. Le problème, c'est pas la gang de South Park, ça, je comprends très bien. Mais c'est le fait. Ah, pourquoi EA a accepté ça? C'est le fait que EA est accepté. Ok, ouais, la vidéo est so-so par exemple, mais en tout cas. C'est bizarre, en tout cas, ce que tu viens de me poster, Ndo. Parce que EA sont démoniaques, il y a tant de choses qui se posent la question. Peut-être essayer de trouver une autre version, mais en tout cas, bref, c'est assez bizarre, effectivement. Non, mais tu sais, c'est une vidéo où ils montrent comment aller chercher, là, ça met un disque dans l'ordinateur. Puis ok. Toutes ces affaires-là. Moi, je pensais que je voulais avoir le vidéo en tant que tel. Ben, si tu regardes plus loin, il l'a. Ouais, mais ça dure 2 secondes d'écart. La vidéo dure 1 minute 28. Oui, je sais. Mais moi, je te parle de. Je m'en fous de savoir comment il va te chercher. Moi, je veux le voir, la vidéo. Ben, tu le vois à partir de la 47e seconde. On n'entend rien! C'est normal, t'as pas de son sur l'ordi. Mick, t'es donc bien mauvais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de son sur mon ordi. Ouais. Bref, je vais vous le poster. Non, mais c'est aussi le fait que ça va super vite sur le vidéo, c'est que j'ai hâte de voir, en tout cas, vous me direz comment ça sonne sur... Ben, au pire, allez, vous ferez une recherche pour une autre vidéo, là. On vous a mis la base. On vous a mis la puce à l'oreille, donc allez vous chercher ça. C'est à... On vous envoie ça drette là. Et voilà, c'est envoyé. Monsieur Castegan, j'ai une nouvelle pour toi. Une nouvelle triste un peu, mais ça pas besoin d'avoir le set piano. Non, mais on peut mettre autre chose. Ah oui? Toi, depuis que tu as ce board-là d'effets sonores, tu tripes beaucoup de choses. Ben, si je le trouve, là. Non, tu le trouveras pas. Mais c'est pas grave, là. En fait, Dragon Age Inquisition prend du retard. Donc, jeu qui s'en venait prochainement. Prochainement, pas là. Ça devait être au mois d'octobre. Mais dans l'optique de peaufiner l'expérience de jeu, on nous dit, puis rendre le monde aussi immersif que possible et de renforcer l'impact de chaque décision du joueur, BioWare s'accorde quelques semaines de développement supplémentaire pour Dragon Age Inquisition. Donc, 6 semaines supplémentaires. Donc, au lieu de la sortie au mois d'octobre, ça va être au mois de novembre pour Dragon Age Inquisition. Donc, il faudra prendre un peu son mal en patience. Bon, 6 semaines. C'est pas grave, on a déjà vu pire. Ben moi, je n'ai qu'une chose à dire. Zut, flûte, cacaboudin. Voilà, c'est dit. Écoute, moi, j'espère que ça va valoir la peine, parce que moi, la dernière fois que j'ai vu un jeu qui a été retardé, puis que ça devait être pour peaufiner, puis s'assurer de la qualité, c'était Watch Dogs, puis j'ai été amèrement déçu. On parle de BioWare, pas de Ubisoft. Je sais. Je me souviens, Mass Effect 3 avait été retardé aussi pour ce genre de raison-là. Ouais, mais tout le monde le sait, Ubisoft, en frais d'optimisation, ils font un job de... Voilà. Ouais. C'est dit. Ben, Ubisoft, pour rusher des jeux et les retarder, puis sortir un produit rusher quand même, Non, mais c'est rendu leur marque quasiment de commerce. On en parle souvent, ben, de toute façon. La première fois qu'ils ont fait ça, c'était avec Prince of Persia, Sin of Time, au GameCube. Qui était, à l'époque, tu n'avais pas d'update. Fait que les premières 10 000 copies, je pense, étaient buggées. Tu ne pouvais pas passer le jeu. Puis on fait passer sur le fait qu'il y avait un retour parce que les disques étaient scratchés ou quelque chose dans le genre. Mais finalement, c'est parce qu'il était juste buggé. Non, c'est ça. Autre nouvelle, mais on en a parlé lors du retour, donc lors du secteur 51, tantôt, un peu plus tôt, avec Manuel. Ben, Harmonix sonde le futur de Rock Band. Et oui, c'est dans les dernières nouvelles qui concernent Harmonix. On n'était pas des plus réjouissantes, mais le célèbre développeur de jeux de rythme refait surface à travers un sondage concernant sa licence Rock Band. Donc, à travers ce court questionnaire, le développeur s'intéresse à l'intérêt que les fans portent à la licence en général et les questionne sur leur équipement, leur fréquence de jeu ou leurs habitudes de consommation de DLC. Donc, le sondage demande aux joueurs s'ils étaient intéressés par l'arrivée d'un Rock Band sur la nouvelle ou l'ancienne génération de machines. Donc, sachant qu'Harmonix n'a jamais exclu la sortie d'un nouvel opus de la licence, c'est contrairement à Activision et le défunt Guitar Hero, il se pourrait que ce questionnaire donne la motivation nécessaire aux équipes pour développer ce nouveau titre, et si les résultats sont bons. Donc, si les résultats sont bons, point. Voilà. Si le cœur vous en dit, on peut aller vers le lien suivant que je vais mettre évidemment sur la page de Puissance Maximale. Si ça vous tente d'aller remplir ce petit... ce petit questionnaire, comme ça vous allez pouvoir donner votre avis. Moi, je vais aller le remplir aussi dans la soirée, parce que moi, ça m'intéresse, un nouveau jeu de Rock Band. J'ai tout l'équipement chez nous, pis c'est toujours le fun, ce genre de jeu-là. Puis avec, moi, c'est pas tant pour moi, évidemment, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle, pourvu qu'il y ait de la bonne musique, moi, c'est ça qui m'importe. Le concept est bon, je pense qu'ils l'ont juste brûlé en sortant trop en même temps. Ben, parce qu'à un moment donné, les derniers passaient quasiment dans le beurre. C'est pas tant qu'on sortait trop, c'est juste qu'on était rendu, je crois, au bout de la bulle de ce genre de jeu-là. À 5 Guitar Hero en 2 ans, puis à 3 Rock Band en 2 ans, et demi, 3 ans. Mais il n'y avait pas le choix parce qu'ils ne pouvaient pas mettre une tonne de musique, puis on stagne vite du nombre de chansons qu'on répétait tout le temps les mêmes. Puis, tu sais, les DLC, c'est bon, mais ils n'avaient pas le choix de sortir des jeux. Mais le concept s'est brûlé rapidement. Mais... il y a toujours, la possibilité d'avoir... En tout cas, les grands fans de ce genre de jeu-là, ils le sont encore. Rares sont ceux que je connais qui ont vendu leur équipement. Donc, tu sais, des nouvelles chansons, je dirais pas non. Il manquerait un Mononcle Serge Hero, là, quelque chose du genre. Moi, j'embarquerais là-dedans à 100%. Mais bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit craqué pour développer ce genre de jeu. Mais bon, moi, je serais partant. Monsieur Castegan, est-ce que tu as une nouvelle pour nous? Parce que sinon, moi, j'en ai une excellente que tu vas aimer. Non, ben, tu m'as dit que t'en avais, fait que j'en avais pas cherché. Bon, ben, Humble Square Enix Bundle, M. Castegan. Donc, bien évidemment, la plupart des gens qui écoutent l'émission connaissent le concept du Humble Bundle. Donc, plein de jeux à un prix, ma foi, des plus dérisoires. En fait, vous payez ce que vous voulez. Et selon la strate de prix que vous voulez payer, ben, vous obtenez un certain nombre de jeux. Et une partie de l'argent que vous allez donner va aller aux développeurs, d'autres à l'équipe directement Humble Bundle, et finalement une troisième partie pour une fondation, dans ce cas-ci c'est Make-A-Wish et Games Aid, donc vous allez pouvoir aider avec cet achat, et habituellement c'est beaucoup avec des développeurs indépendants, et à l'occasion avec des gros studios comme il y avait déjà eu THQ, entre autres, mais là c'est avec la gang de Square Enix, donc il y a quand même plusieurs titres, je vais vous dire ça rapidement. Vous avez Thief Gold, Daikatana, quelques titres, Hitman, en fait Hitman Codename 47, Hitman 2 Silent Assassin, Hitman Absolution, et une ribambelle de titres Deus Ex, aussi Deus Ex Invisible War, The Fall, vous avez Human Revolution aussi dans cette série-là, et vous avez aussi Kane and Lynch 2, Dog Days et d'autres jeux. Il y en a à peu près 15 jeux de disponibles si vous êtes prêt à payer 15$ et plus pour avoir toute la panoplie. Sinon, si vous payez de base, vous avez quand même 6 jeux et vous pouvez payer une cent si ça vous tente. Donc voilà, c'est une belle, quand même des beaux titres là, pour les amateurs de ce genre de titres-là. Puis il y en a d'autres aussi, donc allez visiter le www.humblebundle.com que je vais aller vous mettre encore une fois directement sur la page de Puissance Maximale. Et là, on me souffle sur Internet des gens qui voudraient un Black Taboo Hero. Et non! je suis pas vraiment d'accord avec ça, moi. Mais la blague est là. Le kit de DJ Rose qui a encore moins servi que ceux de Rock Band, je veux dire. pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, non. La question, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Donc, je tairai le nom de la personne qui m'a fait cette suggestion-là. Mais non. Bon, c'est pas aussi. Mon oncle Serge, c'est pas mal meilleur. Vincent, pour pas te nommer. Mais voilà, on va passer à une autre nouvelle. Mais bref, tout ça, humblebundle.com, c'est envoyé sur la page de... Ah voilà, t'as été démasqué, Vincent. Sur la page de Puissance Maximale sur Facebook, vous pouvez aller voir le humblebundle.com et aller voir les jeux qui s'en viennent, que vous allez pouvoir vous acheter à un prix très modique. Sinon, autre nouvelle, le compositeur de Halo obtient gain de cause. Et oui, en fait, au début juin, il y avait un procès qui avait été intenté par M. Martin O'Donnell, compositeur des musiques des jeux Halo, envers le patron de Bungie, M. Harold Ryan. Et le musicien reprochait à M. Ryan de ne pas l'avoir payé suite à son licenciement des studios Bungie. Manifestement, les griefs invoqués à l'encontre de son ex-employeur étaient fondés, puisque comme le rapporte VentureBeat, donc un site internet, le tribunal de Seattle a donné raison aux plaignants. Donc la sanction, 95 000 $, mesdames et messieurs, dans la poche de M. O'Donnell. Cette somme comprend pour partie le travail du musicien et les congés impayés. L'autre partie représente quant à elle les dommages et intérêts ainsi que les frais de procédure. Voilà ce qui arrive quand on paye pas nos employés, M. Ryan. Mais c'est toujours une bonne nouvelle de voir que des créateurs comme ça réussissent à avoir leur dû, en fait, pour pouvoir finalement être payés pour leurs œuvres. Surtout dans le cas de Halo, on s'entend que des belles compositions musicales, la trame sonore est vraiment intéressante. C'est iconique, là. Ben, c'est ça. Puis en plus, c'est une grosse licence, je veux dire. C'est pas comme s'il n'avait pas fait d'argent avec ça. Puis qu'il n'aurait pas pu te payer anyway. Bon, voilà. Donc, on va saluer le tribunal de Seattle pour sa décision, parce qu'on n'est pas... neutre à Puissance Maximale, on est pour les faibles et les nécessiteux et ceux qui se font avoir. Donc tant mieux. Tant mieux pour comment t'as dit ça? Donc voilà, monsieur a eu son dû, puis on est bien content. On est pour les faibles, sauf son l'autre bord de l'écran dans une game de Counter-Strike. Ouais, mais évidemment, ça, on doit les abattre comme le veut la tradition, mais ça, c'est ça le jeu, c'est pas pareil. D'ailleurs, j'ai regardé, puis j'étais très content, la fin de semaine passée, et vous avez dû voir sur la page de Puissance Maximale, chers auditeurs, que j'ai posté quelques liens pour les compétitions qui ont eu lieu la fin de semaine passée à Montréal. C'était des compétitions de e-sport, donc de jeux vidéo. C'était pour les compétitions du ESWC. Donc, c'était l'Electronic Sport World Cup. Il y avait des qualifications qui se faisaient à Montréal. Et je dois saluer la gang de multijoueurs qui faisait la description des compétitions de Counter-Strike que j'ai regardé. Premièrement, très belle description, très bel job de la gang de multijoueurs. Je les ai découverts, en fait, à cause de cette diffusion-là. Et... encore une fois, j'étais super content de voir la diffusion de eSport. C'est vraiment le fun, surtout avec une gang qui font de la si belle description, de la si bonne description de game comme ça. C'est toujours le fun de les entendre, puis on comprend mieux justement les enjeux, parce que tu sais, Counter-Strike, j'adore ça, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, et je comprends le principe. Et là, de voir des gens compétents et qui sont capables de parler devant un micro, d'écrire tout ça puis expliquer ça aux gens qui sont pas nécessairement des connaisseurs, ben c'est toujours le fun d'entendre, puis ça rend le visionnement de ces compétitions-là encore plus intéressant. Ça allait plus loin que le Terreau Roche au A. Hein? Ça allait plus loin que le Terreau Roche au A. Voilà, c'est ça, tu sais, on parle, les B. Mais on explique ce qui se passe vraiment. Et de l'autre côté, sur le site officiel de la MLG, donc de la Major League Gaming, ben il y avait du francophone. Ça, c'est cool. Justement, ça se passe à Montréal. Il y avait la description francophone des compétitions de Call of Duty. Là, par exemple, les commentateurs étaient... ils l'ont dit. Ils n'avaient jamais fait ça. C'était la première fois qu'ils le faisaient. Donc, c'est sûr que ça paraissait. Sauf que, comment je pourrais dire ça? Ça excuse pas. Ce petit côté amateur-là. En fait, c'était tellement pénible à des bouts que j'ai juste switché, j'ai même arrêté de regarder, parce que il y a même des bouts, ils ont eu, dans les deux diffusions, il y avait des problèmes techniques, puis du côté de Call of Duty, il y avait des bouts où on entendait juste les commentateurs, mais même pas le son du jeu. Ça fait que j'étais là, c'était un peu plate, puis en plus, ben là, en tout cas, ça enlevait un peu le côté enlevant de la compétition. Je suis même dans Call of Duty où ça rush puis ça y va. Ben j'ai trouvé ça vraiment plate du côté de Call of Duty qu'on ait des gens qui n'étaient pas aussi expérimentés. Je pense qu'on aurait peut-être dû creuser plus loin pour se ramasser des gens à l'aise devant un micro, premièrement, et qui connaissent le jeu. Je suis sûr qu'il aurait pu trouver quelqu'un. Donc c'est un petit peu mon bémol pour ces compétitions-là. Mais toujours, quand vous voyez des trucs passer comme ça, prenez le temps de regarder les compétitions. C'est toujours le fun. Priez que vous ayez des commentateurs expérimentés. Mais c'est, comment je pourrais dire ça, c'est à ne pas manquer à chaque fois. Dans le pire des cas, switcher à l'anglophone, c'est plate un peu à dire, mais tant qu'à manquer l'événement, aussi bien vous diriger vers quelqu'un qui va bien le décrire. Mais bref, surveillez ça, il y avait des beaux trucs qui se sont passés en fin de semaine passée, puis il y avait la gang d'Armata Gaming, la gang de Boreal Gaming aussi qu'on avait rencontré à Geekfest Québec aussi, qui était là pendant les compétitions. J'ai vu des belles games de Counter-Strike pour la game d'Armata aussi, game de Boreal, je pense, j'avais manqué la game qu'ils avaient fait malheureusement. Mais bref, une belle expérience, encore une fois, à surveiller pour les prochaines compétitions qui s'en viennent pour le ESWC. Voilà. Monsieur Castegan, que dirais-tu d'une pause musicale? Ben, oui. Non, t'allais pas répondre à mon invitation. Ben, Monsieur Castegan, on va aller une courte pause avec une reprise du groupe Random Encounter d'une chanson, en fait, la chanson thème d'un animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Death Note, et la chanson s'appelle What's Up People, une petite minute 40 quelques juste pour vous réveiller. Après ça, on revient rapidement aux nouvelles et c'est parti dans vos oreilles. À puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. We made Electronic Superjoy and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Et quelques nouvelles rapides avant de retourner pour la pause de mi-émission de Puissance Maximale. Voilà, je le répète. Et voici autre nouvelle, mesdames et messieurs. Maxis à l'œuvre sur un nouveau jeu. Alors qu'aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers la vidéo dévoilant 20 minutes de gameplay des Sims 4. Ouais, on parle on parle d'il y a deux jours, donc le 21 juillet dernier. On a appris par l'intermédiaire de DualShocker que Maxis recrute actuellement du personnel pour une toute nouvelle licence. Donc, repéré sur Career Researchers, mon accent magnifique. Donc, rechercheur de carrière, on va dire ça comme ça. C'est un site internet, bref. L'annonce recrute un designer senior pour un nouveau produit Maxis non annoncé afin de collaborer à l'élaboration d'une IP unique et émergente. Donc, parmi les exigences requises pour l'obtention du poste, mesdames et messieurs, parce que sûrement vous êtes intéressés à postuler, on demande une bonne connaissance des jeux sociaux tels que les MMO, une profonde compréhension des principes de craft, d'arbres technologiques ou encore une capacité à appliquer les mécaniques de monétisation propres au free-to-play. Enfin, des jeux tels que Little Big Planet ou Minecraft sont évoqués comme proches de cette mystérieuse nouvelle licence. Lançons donc les spéculations, mesdames et messieurs, comme le dit les gens de jeuxvideo.com où on prend la plupart de nos nouvelles. Donc, je me demande quel genre de jeu... parce qu'on se rappelle que pour le dernier SimCity, ça avait été quand même une pas pire catastrophe. Là, ouais. Sims, les Sims, ben, c'est toujours une valeur sûre du côté de chez Maxis. Mais on sait déjà qu'il y a un 4 qui s'en vient. Là. Non, c'est encore drôle, parce que là, il y a des pétitions déjà qui commencent pour le 4. Là. Des pétitions? Oui, parce qu'ils ont retiré les bébés. OK. Dans le fond, la portion bébé n'est plus là. Ça tombe tout de suite à jeune enfant. Et il n'y a plus de piscine. Il n'y a plus de piscine. Expansion, non, donnez-nous notre argent. Puis j'ai vu justement la vidéo de 20 minutes là, que tu parlais, parce que, on va le dire à la radio, là, les Sims, c'est mon petit jeu coupable. Là. Quand j'ai... Ton petit plaisir coupable à toi? Ouais, mais toi aussi, t'avais découvert aussi. C'était quand on a genre un petit 20 minutes. Là. Ben, en fait, j'avais pogné les Sims 3 à cause d'un Humble Bundle. Ben c'est ça, mais tu sais, quand t'as un petit temps pas vite à griller, t'as un petit temps là, rapide, là, t'as pas le temps de te lancer dans une grosse game de Dragon Age, t'sais. On passe le temps. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai vu la vidéo, puis. C'est comme exemple dans Sims 3, une chose que les fans ont décriée depuis longtemps, c'était de pouvoir voir le quartier évoluer. Mais là, je les ai vus se promener de terrain en terrain, puis on peut plus même plus dézoomer comme on faisait dans Sims 3, puis re-zoomer à une place. C'est vraiment, il faut aller dans un menu, puis dire se déplacer à tel endroit. Fait que tu sais, je suis comme. T'sais, je sais que c'est une version bêta puis que c'est pas la version finale du jeu, mais t'sais, le jeu sort cet automne. Fait que déjà dans le 20 minutes qui monte, on peut même pas te dézoomer. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un gros retour arrière. Là. C'est le principe que t'sais, on peut pas dire au Sim cours là-bas comme t'as jamais couru! Puis qu'il n'y a pas de loading. Là, t'sais. Ouais, mais comme le dit Julien, moi j'ai peur. Parce que je pense que dans les jeux où il y a le plus d'expansion. Et on parle pas d'expansion à 5$, là. On parle d'expansion 60$. Très cher, là. Je pense que les Sims remportent la palme. Ça fait que est-ce que la gang de Maxis se dirige vers un modèle encore plus coûteux pour le joueur en leur enlevant des éléments de base comme. Ben là, certains diront on s'en sac des piscines, là. Mais quand même, ça, puis le côté justement des bébés, on va pas vivre justement la vie du Sims du début jusqu'à la fin. Est-ce que. On va avoir un genre de Sims 4 Newborn, puis Sims 4 Aquatic Sport, c'est une affaire de même à 60$ chaque. Parce que faut dire que Maxi a quand même été assimilé par EA. Hein, fait que, ben ouais. Même si Resistance is futile. Même si le cœur de Maxi reste le même, faut dire que au-dessus, il y a cet grand empire du mal qui est EA. Non, ben ouais, du mal. Arrête, t'aimes ça, NHL pareil. Non. Non. De quoi tu parles? Mais non, mais c'est sûr qu'il y a certains bons jeux. Il y a des bons jeux chez EA, mais c'est juste que le problème, c'est la façon dont ils traitent leurs consommateurs. Je parle de l'Empire du Mal parce que c'est la pire compagnie, toute catégorie confondue aux États. Là. Voilà. Mais bon, c'est sûr que leur politique va déteindre sur Maxis, puis là, j'ai hâte de voir. Ce qui va s'en venir au niveau des Sims 4, si on, comme disait Julien, si on va se ramasser justement avec des jeux qui est finalement tellement fragmenté en expansions séparées que ça va nous coûter. Je pense que tu avais vu le total des expansions. Ça en venait au-dessus de 200$. Non, je pense que c'était plus que ça. 400. 400$, ouais. Avec 400$ pour un jeu de simulation Sims, là, faut vraiment aimer ça. Là. Mais on s'entend. Le monde paye pour. Mais non, c'est justement, s'ils réussissent à le faire, c'est parce qu'il y a des gens qui payent pour. Ben, c'est comme ça moi, j'ai pu aller chercher les DLC qui me manquaient à cause qu'il y a eu une vente sur Origin. Ouais. Mais t'es pour qu'est-ce qui me manquait, ça me revenait à peu près une quarantaine de piastres. Puis c'est genre, on parlait de 6 DLC, ils revenaient à 4 piastres chaque, les DLC. Là. Fait que ça valait la peine. Là. Mais sans, à fort prix, ça, c'est ridicule. Puis j'ai hâte de voir vers où ils s'en vont. Puis en plus, là, en apprenant qu'il y a une nouvelle franchise chez Maxis qui s'en vient. Ça date, les Sims 3, là. Puis toutes les DLC sont encore à 20 piastres. Ah oui. Puis il y en a une chier corps des DLC. Là. Mais genre, en tant que consommateur, on doit quand même un peu être coupable parce qu'on les achète quand même. Oh oui, non, c'est ça. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai attendu qu'ils soient à 5$. C'est pour ça. Je veux dire, c'est quand tu as une compagnie qui a des DLC puis des expansions qui restent toujours au même prix, à plein prix tout le temps, faut pas se dire, ah, la compagnie, elle veut vraiment. Non, non, c'est parce qu'il y a des cabochons qui l'achètent. Puis, ben, qu'ils l'achètent à plein prix, puis eux autres, ben, pourquoi qu'on baisserait notre prix si on les vend, tu sais? C'est un peu le paradigme québécois, je veux dire, ils vendent le Journal de Québec, c'est de l'adon, mais le monde l'achète. Non, non, ben, je veux dire, la critique de ce genre de médias-là, ben, c'est pas la majorité qu'ils font de ce genre de critique-là. Fait que c'est sûr que c'est sûr que ça va se vendre, tu sais. Mais, non, en tout cas, j'ai hâte de voir vers où ça s'en va, puis en plus, dans l'annonce d'emploi. Il nous parle, tu sais, d'être... Free-to-play, hein? Pour le free-to-play, puis la monétisation. C'est qu'il faut se préparer à peut-être à payer à l'item près. C'est même du cas par cas là, ben, pour les items. Les Sims, c'est rendu de même en plus. Oh, oui. Dans le jeu, ouais, c'est vrai. Tu vas acheter des meubles, puis ils te mettent des meubles que ton jeu n'a pas. Fait que là, ils te le mettent, t'es comme, ah, tu veux mettre ça dans ta maison? Allez, clique dessus. Là, tu cliques dessus, puis il y a une fenêtre qui te dit, rentre ton numéro de carte de crédit. Non. Non, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que ça va rester comme ça pour la nouvelle franchise. Mais là, vu que Maxis, tu sais, SimCity, les Sims, j'ai hâte de voir s'ils vont s'éloigner de ce genre de jeu-là. Ce sera à voir. Bref, il n'y a pas grand détail là-dessus. On peut bien spéculer longtemps. Mais voilà. Moi, j'aurais une nouvelle rapide. Ben, t'as parlé de EA. Ben, vas-y donc, M. Castigan. EA voudrait sortir Battlefront en même temps que l'épisode 7. Oui. Ben, en fait, ce serait un très bon coup publicitaire, ouais, tout à fait. Ben, déjà, au départ, ça suit la nouvelle que DICE voulait que Battlefront soit le meilleur jeu de Star Wars. DICE sont en motivation en train de dire qu'ils veulent que Battlefront soit le meilleur jeu. À dire, depuis Battlefront 1 et 2, il n'y a pas grand bon jeu Star Wars qui sont sortis, honnêtement. Donc, ben, dans le genre Old Republic, ouais. Ouais, c'est ça, je veux dire Old Republic. Ce que BioWare a fait. Non, c'est ça. Je dis, ben, Old Republic. Moi, je te parle de Knight of the Old Republic parce que Old le MMO. C'est un bon jeu. Non, t'aimes pas les MMO que tu dis ça. J'aime pas ça. Mais et ça, voilà. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, EA, puisqu'il n'y a pas de date de sortie précise actuellement et que le studio a quand même déjà plein les bras avec les DLC de Battlefield 4 et tout ça, ben, ils voudraient profiter de l'occasion pour dire, ben, on pourrait le sortir en même temps que l'épisode 7 de Star Wars. Donc. C'est pas confirmé, mais EA serait en réflexion sur cette information-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde qui espérait voir le jeu sortir cette année devra attendre c'est 2015, je pense, qu'il sort le... Oui. C'est ça. Fait que l'année prochaine. 18 décembre 2015, Harrison M. Ford Castigan. Ça risque pas trop magané. Non, c'est ça. S'il blesse pas Harrison Ford aux 5 minutes pendant le tournage. Mais de toute façon, c'est sûr que moi, j'ai hâte de voir un Battlefront avec les engins graphiques d'aujourd'hui, avec la gang de DICE qui est avec qui produit Battlefield 4. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là. Moi, j'espère un jour un X-Wing vs. TIE Fighter nouvelle génération. Ah oui. Ah oui, ce serait tellement le bon. Le retour des bons vieux simulateur de vol, mais de Star Wars. De Star Wars, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Je pense que je vais le réinstaller. Ah, c'était effectivement, il y a des vieilles licences de Star Wars qui auraient intérêt à être retravaillées. Comment? Dark Forces. Les premiers shooters de Star Wars. Ouais. Ça serait aussi excellent. Mais du côté de Battlefront, j'ai vraiment hâte de voir ça. Monsieur Castigan, il est temps de passer en pause musicale pour la fin de la première heure de l'émission. Et on va y aller avec la demande spéciale de Mme Véronique Thibault, alias Pink Vivi, qui nous a envoyé ça la semaine passée, qui voulait avoir du Null Band dans ses oreilles à puissance maximale. Ben, on va lui envoyer ça tout de suite avec les souliers de Lady Fee. Une petite balade tranquille, là. Ben, pas tant balade, là. Ça swing un petit peu. Mais on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Enfants dans leur lit sans bouger, nul ne sait jamais les consoler sans raconter l'histoire de Lady Fée. Souffle les vents, tonne l'orage jusqu'à l'horizon, les badauds envoûtés. Nul ne sait les ignorer chanter les vertus magiques des souliers de Lady Fée. Thank you. des vents donne l'orage lorsqu'on l'aperçoit. On ne peut l'oublier, mais nul ne sait jamais la rattraper. En suivant les traces des souliers de Lady Fay, souffle les vents, tonne l'orage. En haut de la colline, elle a sa maisonnée. Nul ne sait espérer l'approcher sans porter les souliers de Lady Fay. Les vents tonne l'orage, elle prend de sa main la vie des étrangers. Nul ne sait fouler la route aux souliers sans trouver la mort aux portes de Lady Fay. Souffle les vents, tonne l'orage, celle qui tient le fort reste une fille à marier. Elle attend le jour où l'un d'eux va passer la porte de la demeure de Lady Fay. L'un d'eux s'est épris de la belle aux souliers. Il traverse les champs de félons statufiés sans quitter des yeux le château de Lady Fay. Souffle les vents, tonne l'orage, il n'a que faire des légendes oubliées. En poussant la porte, il espère retrouver ses yeux qui le hantent, ce sont ceux de Lady Fay. Les vents tonne l'orage, voyant sa promise, il s'est agenouillé, puis demandant sa main, déposa un baiser sur les souliers enchantés de Lady Fay. Depuis ce temps, tous les enfants sages ont écouté mille fois cette chanson du passé. Par-delà le fort, ils se sont épousés, laissant derrière eux les souliers de Lady Fay. La la la la. Et oui, de retour à puissance maximale, vous avez entendu les souliers de Lady Fay du Nile Band dans vos oreilles. Et là, nous sommes de retour, mais avant de passer à Julien et à sa chronique de comic book, je tiens à saluer Mme Florence Lévesque, auditrice de puissance maximale, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, ben, bonne fête, Laurence. Bonne fête. Et Florence, excuse, pas Laurence, hein, par rapport, mais bonne fête, voilà, c'est dit. Et profite bien de cette émission, puis on est bien content que tu aies aimé aussi le Nile Band, qu'il y a plein de monde qui l'aime, en fait, ce groupe-là. Donc, on est bien content d'en passer à l'émission. Mais si vous avez des goûts d'entendre quelque chose, ben, vous pouvez faire des suggestions. Privé à puissance maximale. Notre DJ, Michael. Non, c'est ça, le directeur musical de l'émission, M. Michael Michaud, ça fera un plaisir. De faire la recherche. De faire la recherche. Donc, effectivement, vous pouvez nous contacter toujours pour des questions, des commentaires ou autres via la page de puissance maximale sur Facebook en message privé. Puis même en studio, M. Castagnan, en direct, il est possible de nous envoyer des courriels. Si tu peux rappeler l'adresse. studio à commercial 969fm.ca. Voilà, donc si vous voulez, voulez nous envoyer un courriel via cette adresse-là aussi, c'est possible. Et je me tourne vers M. Materne. Comment ça va, Julien? Ça va très bien. Et là, on va parler de comic book. Et là, pas n'importe quel, on va parler d'un héros, ma foi, très populaire, très connu et que j'aime beaucoup aussi. Monsieur, parce qu'il faut dire monsieur, Monsieur Batman, qui a 75 ans aujourd'hui. Oui, l'année dernière, c'était Superman qui a 75 ans. J'ai un peu manqué le bateau. Je me suis dit pourquoi on l'a pas. Ben, pense que je connais pas assez Superman pour en parler décemment. Donc, on parle de Batman aujourd'hui qui a 75 ans. J'ai eu un peu le réflexe, puis ça a bien tombé que parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement le 75e anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui pas même. De la première édition, mais de la deuxième édition du volume 1, où c'est Batman apparaît. Okay. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette date-là, probablement parce que l'autre s'est perdu dans les brumes des archives de DC. Mais ça fait 115 ans, 115 ans aujourd'hui que Batman existe officiellement. Je veux juste dire quelque chose parce qu'on l'entend parler. Ton micro est allumé, Marie-Camille. By the way, si tu veux parler. Ouais, ça, on a Marie-Camille en studio aussi qui est proche. Désolé, je ne savais pas. Voilà. Et là, Julien, tu m'as envoyé. D'ailleurs, tu m'as envoyé une liste de plein de choses dont on va parler aujourd'hui que je vais mettre direct là, sur la page de Puissance Maximale pour que le monde puisse suivre à mesure. On va parler de comics, mais on va parler aussi de films, d'animation et de jeux de cet univers qui, ma foi, des très, très, très grand, vaste. Et on va un peu décortiquer ça avec toi. On va commencer, bien évidemment, je pense, avec les comic books. À moins que tu aies un petit rappel historique à nous faire. Je vais faire un petit rappel historique. Je vais un peu comme j'ai fait avec Deadpool. D'où c'est que ça vient, qu'est-ce que ça a mangé, c'est qui Batman. Excellent. Parce que Batman a été plusieurs personnes. Non, Batman, c'est Batman, arrête. Oh, et t'as raison. Non, c'est ça. Mais, non, mais ça pour dire que Batman est écrit en 1939 par Bob Kane et Bill Finger. Bill Finger qui n'a pas été reconnu comme créateur avant quasiment la fin de la vie de Bob Kane. OK. Bob Kane est un personnage assez flamboyant, d'ailleurs. C'est dans quel DVD, Marc-Camille, qu'on avait vu le documentaire sur Bob Kane? Je crois que c'était sur Dark Knight Rises, qu'il y avait un documentaire sur la création de Batman dans le Blu-ray. Où c'est qu'on apprend à connaître... Non, c'est Dark Knight Returns. Oui, Dark Knight Returns sur l'animation. Dans les bonus du DVD Blu-ray. Oui, qu'on apprend à connaître le créateur de Batman, Bob Kane, qui n'a créé que ça dans sa vie, mais qui a vécu toute sa vie en tant que le créateur de Batman. Bon, il a le droit. Avait une très grande amitié avec Stan Lee aussi. Il ne manquait pas une seule fois de le rappeler que lui avait créé plein de personnages, mais aucun fait du cinéma, mais que son Batman était à la télé, au cinéma, à plusieurs reprises, puis que Spider-Man, ça pognerait jamais. Mais il y a eu tort quand même. Dans le documentaire, ce qui est drôle, c'est Stan Lee, il dit « J'aimerais ça qu'ils soient encore vivants aujourd'hui parce que je remettrais dans la face. » Parce que Stan Lee, il aime beaucoup Bob Kane, ce qu'on voit, mais il tapait sur les nerfs un petit peu. Non, parce qu'il ne manquait pas une occasion de l'inviter pour les lancements des films, dans sa limousine. Viens-t'en, on va aller au lancement de Batman de Tim Burton, puis de rappeler que Spider-Man n'avait pas de film. C'est fin, ça. Ouais, un bon ami. Bob Kane était ce genre de gars-là, assez exubérant, assez flamboyant. Donc, il n'a jamais crédité son partner, Bill Finger, sa collaboration est assez marginale quand même. Au début, Batman, quand Bob Kane l'a créé pour un peu capitaliser avec DC sur Superman, qui est le premier super-héros, ça pogne, il faudrait faire de quoi? Ben, Batman n'avait pas le costume qu'on connaît. Batman avait deux ailes fixées dans le dos, un peu à la steampunk. Il avait un petit masque bien simple. C'est là que Bill Finger est arrivé, tes ailes et ton petit masque. Laisse faire, okay. Mais sinon un genre, une espèce de tête de chauve-souris puis une cape vraiment large, ça va être vraiment badass. Ce qui est drôle de part, c'est que Batman avait des guns et Batman tuait dans okay. Le premier volume. Ça a arrêté en 1900, dans le premier volume de Batman, parce que ça a commencé en Detective Comics, où c'est que Batman tuait à tout va, était un peu un héros vraiment aussi sombre qu'il l'était ou qu'il l'est aujourd'hui, mais je veux dire, avec moins le côté « j'ai des règles ». Non, c'est ça, il y avait moins de principe un peu. Pas le rang de principe. Dans le fond, ça a arrêté. Le premier numéro de Batman, c'est qu'on a introduit le Joker en 1940 et Catwoman. Dans une sous-histoire de ça, il tuait des gens à coups de gun, puis c'est là que les producteurs de l'édition ont fait comme genre « non ». Faudrait peut-être slacker. Ouais, c'est ça. C'est là que le no-killing de Batman est apparu. Après ça, ben, comme dit le Joker, Catwoman en 1940, les autres méchants ont suivi. Robin, 1940 aussi. Pourquoi? Parce que Bob Kane et Finger cherchaient un personnage. Batman est un détective, est un... Et normalement, le meilleur détective sur au la monde. Planète, c'est ça. Ouais, c'est ça. Meilleur caractère. Que Sherlock Holmes. Oui, avait besoin d'un Watson. Ça prend un sidekick, c'est ça. Ça prend un sidekick. Ça prend quelqu'un pour qu'il y ait un faire-valoir. Fait quoi de mieux qu'un jeune enfant qui pourrait être son apprenti, pourrait être son faire valoir. Côté apprenti qui n'a pas été vraiment exploité avant, je dirais, les années 80, 70, bon, plus 70. Moi, ça, ben, y avait du monde qui ne savent pas que là, tu nous parles justement que ça date des années. C'est vraiment des années 40 encore. D'avant, tu sais, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Hey, Batman, ça a 75 ans. Eh bien oui, il date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait que il y a bien des affaires qui se sont passées depuis cette époque-là à la dernière trilogie de films de Nolan. Il y a bien des gens que c'est la seule façon qu'ils connaissent Batman. C'est ça. Puis avant la guerre, puis pendant la guerre, Batman était destiné à un public plus adulte. D'ailleurs, ça fait partie des affaires qui ont envoyé au GI l'au bord pendant la guerre pour leur garder le moral. Des comics de Batman, un peu plus propagande, mais on connaît le style noir, détective, pulp un peu, là, d'institut qui ont connaissent un peu de Tracy, ça fait de même, c'est dans cette lignée-là. Green Hornet, qui était très similaire aussi à l'époque. Dans le fond, Batman aussi, il faut dire qu'il tire ses origines un peu de la fiction pulp de l'époque. C'est des affaires très violentes, détectives noirs, un peu flyés, et de Zorro. Oui. Zorro était une très grande influence dans la création de Batman. Donc, revenons à ça. Après la guerre, ben, on sait tout ce qui s'est passé. Je l'avais expliqué à nos comics. Le Comic Book Code est sorti après la publication d'un livre qui était Seducing the Innocent, qui disait à quel point, entre autres, Batman rendait les enfants gays, Superman faisait penser aux enfants qui pouvaient voler. Et nos amis républicains ont décidé que vous réglementez vous-même, on vous réglemente. Donc, DC Comics a suivi le direct Comic Book Code, qui était un peu la façon que Marvel, DC, s'autocensurait. Et Batman et le Joker sont passés d'être vraiment froids, calculateurs et brutaux à genre Adam West et un bouffon. Ouais, d'ailleurs, on rappelle aux gens que je pense ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps qu'ils ressortent toute la série Batman années... Finalement, tout le côté légal entre Fox et Warner, c'est réglé. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est Fox qui produisait Batman. Sauf qu'à ce temps, Batman DC Comics, dont Batman, appartient à Warner Brothers. C'est ça. Petit problème légal. Ouais, ça fait que là, on a une série de Blu-ray DVD qui s'en viennent. C'est les années 60 que ça a été fait. C'est que le fameux Batman que moi-même, j'ai vu quand j'étais jeune, ça passait à TVA à l'époque, dont le Batman, c'est ça, pif, le Batman, paf, pif, paf, pouf. Avec Adam West. Allez, Robin, allons à la saison 4 dedans, parce que la saison 4 qu'on n'a jamais eu en français. Ah ouais? Ouais. Ah, mais mon Dieu. Faut qu'on aille tout seul l'acheter. Au choix intéressant, la série de Batman et le film de l'époque des années 60 a sauvé un peu Batman. Parce qu'à ce moment-là, Adam West, la compagnie qui faisait ça, les créateurs disaient, on fait ça une saison, c'est une joke. On fait ça pour rire. Puis honnêtement, on pense pas que ça pogne. Ça a duré 4 saisons, puis ils ont eu des problèmes à booker des acteurs comme guest actors pour faire des méchants, pas parce qu'il y en avait pas assez, parce que tout le monde voulait être un méchant dans Batman. Ouais. Tout acteur connu de l'époque voulait être un méchant dans Batman. Je pense que dans un... Ou dans la fenêtre qu'il grimpe. Hein? Des deux. Soit être un méchant ou le gars dans la fenêtre qui sort la tête. C'est ça, qui grimpe à 90 degrés avec une corde sans problème. Puis quelqu'un qui sort la tête par la fenêtre. Bonjour, Batman. C'est comme le premier Joker. C'est-à-dire, Romero était censé couper la moustache au départ. Okay. On sait tous qu'on voit sa moustache sur son maquillage parce que, tu sais, c'était pas censé durer. Il était pour faire 2-3 apparitions, puis c'était terminé. Il a duré 4 saisons. Fait que le running gag a fait, c'est qu'il maquillait pareil avec sa moustache parce que le monde l'était habitué de le voir avec sa moustache peinturée en dessous. Non, c'est ça. Donc, ça a sauvé un peu Batman, comme je disais, parce que cette année-là, Batman était en déclin à cause du genre du... Le public cible original ne le suivait plus. C'était une figure parentale, avec des histoires un peu abracadabrantes. Dans ces années-là, aucun lien. Les jeunes avaient vieilli aussi. C'est ça, qu'il n'y avait plus vraiment aucun lien avec ce que c'était au départ. Donc, DC pensait réellement à tuer Batman. Carrément. Puis on parle pas de le tuer puis le faire revenir dans 3 semaines avec le Phoenix comme Marvel ferait. On parle de terminer. Il n'a plus. Non, il est mort. C'est ça. That's it. Fini. Parce qu'à l'époque, ça se pouvait. Ça se pouvait, c'est ça. Comme dit, personne reste mort dans le comic book. Non. Sauf Bucky Barnes et Jason Todd, qui sont très vivants. Mais c'est grâce à ça, Batman a survécu, mais s'ensuit d'autres aventures. Parce qu'on a les années 60, mais qu'est-ce qui suit avec ça? Les années 60, le redessin en 64, parce que vu que DC se sont rendu compte qu'il y avait des problèmes de continuité sur le fait que des fois Batman était un athlète épouvantable, mais con comme un balai, et d'autres fois était trop intelligent, mais se faisait genre péter la gueule par le Joker. On va tenir une cohérence, Batman va devenir un détective. Ça va être le détective de DC. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire contre Superman? Non, c'est ça. Il ne peut pas compétitionner contre Green Lantern, Superman, The Flash. Ça va être le détective de DC Comics. Ça va être le Brain. C'est ça, c'est lui devenu le Brain. Après ça, dans les années 80, on a tout su ce qui s'est arrivé avec Frank Miller qui a pris la barre de Batman et l'a remis un peu du goût de jour. Mais il faut dire que le côté plus noir, plus mature, oui, a été relancé beaucoup par Frank Miller, mais ça vient des années 70, bien avant ça, avec... attendez-moi que je trouve le nom... c'était dans les années 70. Neil Adam. Ah, d'accord. Que lui avait retravaillé beaucoup le Joker, qui était à l'époque, avait pas mal passé au gros bat du comic book hack. Ouais. C'est-à-dire en disant que c'était rendu un tueur sociopathe à passer à un clown qui vole des banques. Non, c'est il l'a fait redevenir un dangereux criminel sociopathe. A inventé Ra's al Ghul. Qui est maintenant un des gros méchants de Batman, ouais. Iconique. Aussi, retrahir le Two-Face, redonner une seconde vie à beaucoup de méchants iconiques de Batman. Donc, ces deux gars-là, Frank Miller et Neil Adam, ont beaucoup aidé à relancer le Batman qu'on connaît actuellement. Un Batman très noir, un Batman détective, le Bruce Wayne humain, mais qui surpasse ses capacités pour devenir ce qu'il est, c'est-à-dire faire peur à tout le monde. Donc, en gros, après ça, on y va avec des affaires qui ont été influencées la série beaucoup. C'était Batman The Animated Series de Bruce Timm, ouais. Des années 92, qui a un peu relancé le mood de Batman avec cette série animée qui suivait directement avec Dark Knight de Frank Miller et le film de Tim Burton des années 1989, qui était excellent. On se souvient du Joker de Jack Nicholson, on se disait comment on peut topper ça. Heath Ledger était capable de le faire. Oh oui, comment il a fait? Ben, les deux, moi, je suis pas capable. Ils sont très différents. Moi, je peux pas dire que Heath Ledger est meilleur, je peux pas dire que Nicholson est meilleur. C'est différent. Ils sont excellents, les deux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça suit quand même la logique derrière le Joker. Le Joker n'a pas de logique, le Joker, il est fluide. Un jour, il va aller voler des sucettes à des enfants puis rien faire de vraiment plus dangereux que ça. Puis le lendemain, il va aller massacrer un hôpital. C'est en plein noir, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup aimé les interprétations des deux, deux acteurs. C'était spot on les deux. Puis c'est sûr que les films de Burton sont particuliers aussi. Oui, c'est spécial. C'est spécial, mais ça reste que les deux, évidemment, Batman puis Batman Returns avec Catwoman puis le Pingouin. Moi, je les trouve bons, je les trouve réussis. C'est une esthétique particulière, mais c'est une esthétique de Burton. C'est Tim Burton de l'époque. C'est en plein ça, mais c'est quand même ce qui a amené aussi, en tout cas selon moi, puis peut-être tu vas me contredire là-dessus, mais ça a aidé aussi à amener Batman sur la map au niveau de la pop culture, oui, au-delà du comic book. Et ça a relancé DC Comics beaucoup. On peut aller un peu, ayant fait un peu le tour de l'histoire de qui est Batman, là, on a New 52 qui relance un Batman plus jeune. On dit dans New 52, la relance de DC, Batman est sur la job depuis seulement 5 ans. Ce qui crée beaucoup de problèmes de continuité parce que c'est passé avant. C'est quand même passé, mais c'est pas passé. OK. Fait qu'on se dit quand même qu'on a eu 5 Robins en 5 ans. Ça, je vais revenir par contre là-dessus. On fait un petit peu le tour de qui est Batman. Batman, c'est Bruce Wayne. Yes. Un gars traumatisé par la mort devant lui, l'assassinat de ses parents pour une raison totalement niaiseuse, qui est le collier de perles de sa mère. Dans le fond, ce que le monde ignore un peu, c'est que oui, beaucoup de monde, les films l'ont beaucoup montré comme une espèce de ninja, ou ce qu'il est, mais il est aussi le plus grand détective de la planète, ce que Mike a rappelé tantôt. Dans le fond, Batman, on voit la série Gotham qui sent bientôt, qui va être présent sur Fox, qui va un peu faire le mouvement qu'on perd souvent dans les films, de l'assassinat de ses parents jusqu'à Batman. C'est le auto de Batman. Parce que Bruce Wayne est devenu Batman. Il y a beaucoup de gens qui disent, en tout cas de psychologues qui ont étudié le cas, qui ont fait des bacs là-dessus, là-dessus, en disant quand on parle de Superman, Clark Kent est Superman. C'est pas Superman qui est Clark Kent. Quand on parle de Batman, Bruce Wayne, c'est pas le bon. Batman est la vraie personne. Mm-hmm. Parce que Bruce Wayne, d'un genre, il dit ça n'arrivera plus jamais à personne d'autre. Puis je vais m'arranger que ça n'arrive plus jamais à personne d'autre. Donc, dès qu'il a eu 16 ans, il a foutu le camp de chez lui. Il a fait le tour du monde pendant 10 ans. Il a, sous un faux nom, ramassé des bacs et des maîtrises en criminologie, en chimie, après tout ce qui pouvait se faire. Il a étudié auprès des plus... On voit un peu la Batman Begins auprès des criminels pour voir leurs méthodes. Il a étudié auprès de magiciens, de escape artists à la Houdini pour savoir comment se sauver de n'importe quelle situation. Il a fait tout. Puis il est revenu quand il était prêt. Le problème, c'est qu'il était prêt, il n'était pas encore Batman. Le personnage était là, la raison d'être, le Bruce Wayne arrive. Ce qu'il était devenu, ce qu'il allait devenir Batman, était déjà là. Parce que Bruce Wayne est la façade. Qui pourrait penser qu'un playboy un peu niaiseux pourrait être Batman? À la limite, le financer, parce qu'à un moment donné, Bruce Wayne lui dit même, « Ah, je ne suis pas Batman, mais je finance Batman depuis 10 ans. » C'est Grant Morrison qui avait écrit ça, c'est dans Batman Incorporated. Okay. Vous savez que Bruce Wayne fait son coming out. Parce de que finance. Ça commence à sentir un peu le roussi, fait que c'est un peu son coming out de « je ne suis pas Batman, mais je le finance depuis des années ». Ça passe mieux, parce qu'il est un peu niaiseux, ça se peut qu'il finance des vidéos C'est sûr que c'est toujours, il faut jamais oublier en fait que les comic books, ça reste des comic books, c'est de la fiction. puis qu'on peut pas tomber dans le réalisme à 100%, parce que c'est sûr que dans notre monde d'aujourd'hui, ça prendrait 2 jours et quart, puis on le verrait, que ça se détecterait que Bruce Wayne a financé à mort ces trucs-là, puis ça se trouverait plus facilement. T'sais, on écoute les films de Nolan, puis on lit, on fait des fois, ouais, vous êtes ben niaiseux. Ça se trouverait facilement, mais non, il faut accepter le fait. Mais le comique, il aborde plus là-dessus, mais... comme dit, il faut accepter le fait que c'est un comique, mettons ça off un petit peu. C'est ça, non, c'est ça. C'est ça, t'sais. C'est comme on dit, quand on est dans les films, qu'on est dans la fiction, on doit tomber dans les univers vraisemblables sans que ça soit véritable, en fait, que ça soit des vérités pures. C'est qu'il faut, ça reste dans le vraisemblable. Dans le fond, pour amener aux origines, bon, Batman, un jour, Bruce Wayne revient, essaie de faire ce qu'il fait en étant Bruce Wayne, ça marche plus ou moins. Une chauve-souris mourante tombe devant lui, il dit... Je sais que j'ai toujours eu peur des chauves-souris. Il est temps, comme dans Batman Begins, il est temps que les criminels ressentent ce que moi je ressens envers ça. Ben, je vais devenir une chauve-souris. Ce qui est très bien expliqué dans Year One de Frank Miller, qui est une histoire d'origine sur Batman, qui est la définitive. Sinon, dans New 52 aussi, ces temps-ci sont dans cette origine-là. Ça se passe un peu après Year One, où c'est que la première fois que Batman va contre le Riddler. Ouais. Qui est très intéressant, parce que le Riddler le outsmart tout le temps, puis il est comme genre, mais pourquoi j'ai fait 10 ans à me promener dans le monde pour ça? C'est ça, pour me faire avoir par un... Par un gars en vert avec un asthmove, tu sais. Okay, voilà, c'est ça. Qui est extrêmement intelligent, le Riddler, on ne se cachera pas, mais il est tellement dépassé à certains mots. On se souvient de Batman Hush, qui est une autre œuvre assez intéressante, où c'est que Batman se fait avoir par un ami d'enfance avec l'aide du Riddler. Il dit, pourquoi ce gars-là n'a pas pris sa retraite depuis des années? J'arrête pas de l'arrêter. Mais là, avec toutes ces histoires-là, il y a des séries incontournables, Julien, selon toi, au niveau du comic, puis on pourra reparler peut-être un peu plus tard des films, puis de l'animation, puis des jeux. Mais au niveau du comic, qu'est-ce que tu nous suggères? Quelqu'un qui veut rentrer dans Batman, là, qui connaît juste les films populaires, mais il veut vraiment rentrer dans l'univers de Batman, qu'est-ce que tu suggères? Je dirais, plus facilement, là, dans le récent, on pourrait y aller avec... Nightfall, qui est l'inspiration directe pour les films de Dark Knight Rises. Ben arrive, casse le dos de Bruce Wayne. S'ensuit une multitude de nouveaux Batman qui apparaissent, que je pourrais peut-être revenir là-dessus, qui a été des Batman, qui a été des Robin, parce que la liste est assez extensive quand même. On pourrait aller aussi avec la série de Joseph Tinsel, qui est Long Halloween, Haunted Night, puis Dark Victory, qui sont des histoires un peu d'origine. Ça se passe dans les premières années de Batman, où c'est que Batman, c'est plus noir, c'est plus détective, parce qu'il se pogne contre la mafia italienne. Oh! À ce moment-là. Puis c'est là qu'il rencontre un peu plus Catwoman, qui a des comptes à régler avec la famille Falcone. Ah oui, les Falcone, ouais. qu'on voit d'ailleurs. Carmine Falcone, qu'on voit dans Batman Begin, justement. Puis à ce moment-là, c'est soit plus rien, c'est plus simple. Il y a le Joker qui apparaît aussi dans Long Halloween, mais il est pas encore très connu. On sait qu'il est dangereux. Le Batman est un peu au courant de qui c'est, mais pas trop. Surtout, il se met à dire. Il y a un autre tueur en série au large dans Gotham, puis lui, il se dit « Non, non, non, non, c'est pas vrai. Il y en a juste un, puis c'est moi. » Puis il se met à compétition avec Batman pour le trouver avant lui, pour le tuer. OK. Ah, mon Dieu, OK. Il y aura juste un malade mental dans la ville, et c'est moi. Ah, ça fait avec le personnage, effectivement. Après ça, on pourrait aller avec Under the Red Hood. Oui. Qui, ça, il faut avoir un peu un précédent là-dessus. C'est dans Death in the Family, qui est un plus vieux livre, qui est un peu mal vieilli, mais qui était la première fois c'est qu'un personnage en Batman mourait. Puis d'ailleurs, c'est un sondage. Est-ce qu'on tue Robin ou pas? Ouais. Ben, on tue Robin, qui était Jason Todd à ce moment-là. Donc, dans Under the Red Hood, ça revient pour hanter Batman. T'as un Jason Todd fraîchement ressuscité à la comics book style, sans trop d'explications, qui revient pour se venger du Joker et montrer à Batman que s'il aurait tué le Joker une couple d'années, ben il serait pas mort, puis il prend qu'il y aurait beaucoup moins de monde qui sont morts. Donc c'est un peu l'opposition des règles de Batman. Un peu Red Hood est un peu le Punisher est à Marvel. J'ai pas de règles, puis eux ils iront pas en prison, ils vont être morts. Fait qu'il n'y en a plus de problème. Ben, c'est intéressant d'avoir des personnages comme ça dans un univers un peu clean, même si l'univers de Batman n'est pas nécessairement clean, mais ça reste le personnage avec son code de conduite, justement, son code de conduite chevaleresque, on pourrait dire, entre guillemets. Ben, The Dark Knight. C'est ça, The Dark Knight. Mais c'est le fun d'avoir des personnages comme ça qui amènent l'opposition, qui fait « Regarde, c'est mort une couple d'années, là ». T'aurais eu pas mal moins de problèmes. Pas mal moins de problèmes en ville. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce genre de nouvelles prises de vue là, dans un univers. Là. Mais on pourrait revenir assez au code de conduite de Batman, parce que c'est d'autres traits psychologiques de Batman qu'on oublie souvent, puis commence comme « Ben non, Batman est bien clé. » Non, non, non. Non, non, ben... il est sale. Non, non. Après ça, on peut y aller avec Arkham Asylum de Grant Morrison, qui est un classique, mais très, très stylisé. Donc, attention au monde que les yeux sensibles. C'est une œuvre d'art, c'est une peinture. OK, c'est des dessins particuliers. C'est très particulier. C'est ça qui a inspiré le jeu vidéo d'art du même nom. C'est très bien, c'est Batman Render Arkham. Il y a une révolte à Arkham. Personne ne sort, personne ne se sauve. Mais tous les fous sont en dehors. Ils gardent les gardes de prison en... les gardiens avec eux autres, puis en otage, puis Batman, il faut qu'il traverse Arkham pour vivre ce qu'il vit. Puis s'il réussit à rester sain, ben le Joker n'aura pas gagné. Dans le fond, c'est essayer de faire virer Batman fou dans Arkham. Dans Arkham. Fait qu'à chaque il y a comme si à chaque station, il rencontre un de ses vieux ennemis, comme Two-Face, comme ci, comme ça. Puis à la fin, ben, il se rend compte que ben, le Joker donne une petite tape sur les fesses à Batman, tu as gagné le grand, puis il laisse partir. Mais c'est comme ça, juste parce qu'il a réussi à garder sa sanité à travers ça. Super intéressant. Après ça, bon, on a les bons vieux de Frank Miller, Dark Knight Returns puis Dark Knight Strikes Again, qui sont des univers parallèles, faut insister dessus. On a un Batman vieillissant, il a au-dessus de 50 ans, ça fait 10 ans qu'il a arrêté. Là, un peu à la Watchmen, l'ambiance politique, l'ambiance autour fait que ben il sort de sa retraite parce qu'il peut pas s'empêcher de Batman parce qu'il n'est pas Bruce Wayne. Il est Batman, c'est ça. Donc il faut qu'il mène sa guerre. Ensuite de ça, je pourrais y aller avec... Ce qui est intéressant dans Dark Knight Returns, c'est que Robin, c'est un personnage féminin. Oui, le nouveau Robin, parce qu'il y a plusieurs Robin, est une femme. OK. Ensuite, The Killing Joke de Alan Moore. Gabriel serait content. Oui, oui, Gabriel Godet, effectivement. Killing Joke de Alan Moore, qui est très intéressant parce que c'est une histoire beaucoup plus du Joker qui décide que... Il prouve à Batman que dans le fond, tout le monde est comme lui. Pas comme Batman, mais comme... Comme le Joker, ouais. Fait qu'il peut, n'importe qui peut devenir le Joker. Fait qu'il enlève Gordon, puis il le fait souffrir à mort pour prouver à Gordon que si Gordon devient fou, que si le meilleur d'entre eux, ce qui était repris dans Dark Knight, avec le Joker qui essaie de faire péter les plombs à Harvey Dent, et qui finit par réussir, que si Gordon peut devenir fou comme lui... Tout le monde peut. Tout le monde peut être le Joker. Puis que c'est Batman qui est dans le champ. Sauf qu'il y a une fin controversée sur cette affaire-là, puis il y a beaucoup de monde qui dit, puis Grant Morrison l'a dit, comment il a analysé, puis je trouve ça brillant, c'est que le Killing Joke, à la fin, Batman arrête le Joker, Gordon dit, tu gardes ça clean, tu l'arrêtes dans les normes. Je veux pas qu'il puisse revenir, je veux pas qu'il puisse sortir. Fait qu'il l'arrête dans les normes, ça, il sort, puis il a le cul du cirque, c'est qu'ils sont. Il met une menottes, puis il dit, gars, on va se parler des vraies affaires. Un jour ou l'autre, toi puis moi, ça va mal finir. Je vais mourir, tu vas mourir, ça peut pas bien finir. Veux-tu qu'on en jase? Le joke a dit, il est déjà trop tard pour moi, oublie ça. Mais j'ai une bonne joke pour toi. Fait qu'il compte une joke. Puis là, ça rit. Puis là, un moment, tu vois, ça fait un fade-out sur du noir. Donc Batman met ses mains autour des épaules du Joker. Puis là, il se dit, ben, il a fait tout ça pour une joke. Mais finalement, genre, l'analyse que Ray Mason faisait, c'est Batman tue le Joker à la fin. Okay. C'est la dernière joke du Joker. Parce qu'il se rend compte que ce qui va se passer est inévitable. Sauf que vu que c'est un fade to black. Puis que Alan Moore n'a jamais vraiment dit que c'était ça qu'il voulait faire avec. Ça. Mais Alan Moore et Grant Morrison étant des gars qui travaillent ensemble depuis des années. Ben, en tout cas, interprétation. Mais très intéressant aussi. Effectivement, non, c'est bon, ce genre d'interprétation-là. Sinon, écoute, Julien, ça passe très vite. Là. On va aller vers peut-être les films, évidemment, les films de Nolan. Je pense qu'on peut passer par-dessus parce qu'on les connaît. Sont très intéressants. On les connaît tous. Sinon, évidemment, la série animée de 1992, on en a parlé, mais c'est la fondation d'un Batman... D'un Batman que les gens peut-être de ma génération connaissent plus, avec l'arrivée d'Harley Quinn aussi, et des voix et telles Kevin que celle du Joker, la voix de... Mark Hamill. De Mark Hamill. Qui a fait le Joker jusqu'à Arkham City. Ouais. C'est Luke Skywalker qui joue le Joker. Pendant près de 20 ans, il a joué le Joker. Il est excellent. Ah oui, la voix est excellente. On a Kevin Conroy qui a joué Batman et qui joue encore Batman souvent. Donc, c'est des piliers depuis plus de 20 ans. Qui sont dans le Bat-univers, entre guillemets. Oui, c'est ça. On a parlé aussi des films de Burton, évidemment. Masque du fantasme, qui est tiré de la série animée. Très, très hot. J'avais beaucoup aimé ça à l'époque. Il faudrait que je le réécoute. J'ai écouté ça, j'étais très jeune. Un bon film de détective, justement. Ouais. On voit le côté détective de Batman dans ce film-là. Très bon. Ensuite, ben, les films de Schumacher, on va les oublier. Ça n'existe pas, les amis. Effectivement. Forever, ça passe. Batman et Robin... Ne m'en parlez surtout pas, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Il y avait des mamelons, c'est sout. Ouais. La carte de crédit, puis c'est pas tant que ça. Ah ouais. C'est la performance de Uma Thurman en Poison Ivy. c'est juste ça. Ouais, ah, mais ça, Bane qui est un gros zombie végétal, ça, non. Non, c'est non. Ça. Sinon, ben évidemment, les jeux Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origin... Buggy, un peu moins intéressant. Mais que là, c'est Arkham Knight qu'on a tous hâte de voir arriver. Que oui. Donc, les jeux de ben, Arkham Knight, qui vont être, c'est Rocksteady aussi. Le vrai troisième jeu, comme on s'est dit. Donc, évidemment, si vous voulez vous lancer dans cet univers-là. Et parlant de ça rapidement, il y a Red Hood qui va être jouable dans Arkham Batman Arkham Knight. C'était une nouvelle qu'on avait sortie tantôt. Je voulais en parler pendant ta chronique. Donc, on nous dit que ce personnage-là va être réservé pour ceux qui vont acheter chez GameStop pour l'instant. Ça va sûrement être disponible un mois, deux mois plus tard. C'est en plein ça. Donc, vous pouvez le précommander. C'est ça, c'est chez GameStop. Voilà. Donc, vous pourrez avoir le DLC pour pouvoir jouer Red Hood. Voilà, c'est dit. C'est ce que je voulais dire à propos de ça. Ouais. sur cette gang-là. Et sinon, peut-être un mot de la fin, Julien, pour terminer cette très intéressante chronique sur Batman. Comme je disais tantôt, je vais peut-être dire que sûrement bien des gens disant que Batman, Bruce Wayne n'a pas été le seul Batman. Oui. Il y a eu Dick Grayson, le premier Robin, qui a été Batman deux fois. OK. Il y a eu... je crois que Bruce Wayne disparaissait. Il fallait bien que pour le remplacer. Fait que deux fois, c'est arrivé. Bane a déjà été Batman. Ah ouais? Oui, monsieur. Ah ouais? Court laps de temps récemment, il a été Batman. OK. C'était assez destroyant. Attends, là, Bane, là. Oui, Bane a été Batman. À dire, Bane et Bruce Wayne s'entendent quand même relativement bien pour des opposants. C'est dans quel comics? C'est dans New 52. Dans New 52. Forever Evil. OK. Ensuite, tu as eu. Moins niaiseux, je pense. Azrael, qu'on voit apparaître dans Arkham City, qui a été Batman aussi pendant un court temps, qui a vu que Batman arrête parce que quand Batman. C'est dans Nightfall. Nightfall, parce que quand Brain a brisé le dos de Bruce Wayne, c'est Azrael qui a pris la place. Sauf qu'Azrael est venu hors de contrôle à un moment donné, puis a complètement à moitié tué Bane. Fait que Bruce est revenu, il voulait pas y rendre le titre, fait qu'il a vu qu'il se batte pour le titre, puis il prouve je pouvais à Bane que OK, le gars qui m'a battu s'est fait battre par Bruce Wayne avec plein de capacités. Je pense que je vais oublier Gotham pour aujourd'hui. Non, c'est ça, je vais aller faire mon tour ailleurs. Jason Todd aussi a été Batman un court laps de temps. Un des Robins aussi. Ouais, qui a été un des Robins, mais un Batman un peu plus sick aussi que lui, une Batcave avec des cadavres qui en décomposition de monde qui a torturé pour avoir l'information, c'était une bonne idée. Faut que je lis ça, moi, ces bouts-là, ça m'intéresse. T'as eu Tim Drake, qui était le troisième Robin, qui a été Batman aussi pendant en même temps que Jason Todd, parce qu'il fallait bien une lumière pour aller contre la noirceur, pour pas salir le nom de Bruce qui avait disparu. C'est ça. Pendant que Dick faisait pas l'idée qu'il fallait qu'il devienne Batman, là, je veux pas être Batman, hein, trop de responsabilité. Bon, mais moi, l'aide, moi. Non, c'est ça. Puis ça fait pas. Il y a Thomas Wayne aussi dans son père, parce qu'on voit le Flashpoint que si. Dans l'univers parallèle, c'est que c'est Bruce qui meurt et non pas ses parents. Thomas devient Batman. Moins entraîné, beaucoup plus vieux, peu plus destroy parce qu'il n'a pas eu 10 ans que son fils a eu pour s'entraîner. Il a eu beaucoup d'argent et ben de la colère à passer ça, sur ça, du ça monde. Ça fait un bon mix. Devinez quel rôle joue sa mère dans cet univers-là. Ah, sa mère pète les plombs et devient le Joker. Parce que dès qu'il y a un Batman, ça prend toujours un Joker. Ah mon Dieu, il faudra que je lise ça, cette version alternée-là. J'ai hâte de... il faudra qu'on se parle tantôt, Julien. Oh oui. Écoute, Julien, encore une très intéressante chronique. Évidemment, c'est un spécial 75 ans pour Batman. Tous les titres dont on a parlé sont présentement sur la page de Puissance Maximale au niveau de Facebook. Ça vous tente justement d'avoir ces titres-là sous la main puis de vous lancer. Évidemment, on vous invite à vous rendre chez nos amis de Première Issue à Québec ou du TPM là, pour de la BD, du comic book. Allez les voir, dites que c'est la gang des Puissances Maximales qui vous envoie. Ils vont être super contents de vous voir arriver, puis vous allez avoir des très, très, très bons conseils si vous allez chez nos amis de chez Première Issue et chez TPM. Monsieur Materne, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Et tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci aussi à Marie-Camille qui était là. Ça fait plaisir. Qui a fait quelques commentaires. Et Monsieur Castegan, il est temps d'aller en musique. Et là, ça va être mon commentaire sérieux de la journée, mesdames et messieurs, parce que vous savez, souvent, j'en ai parlé lors du retour de CJMD avec Manuel tantôt. J'ai travaillé en politique. Moi, j'ai une conscience politique. Et récemment, vous savez, depuis... quelques semaines, il y a bombardement dans le coin d'Israël, la bande de Gaza et tout. Et il y a M. Serge Takian, qui est le chanteur de System of a Down, qui a fait un Twitter, justement, bien senti sur la situation, sur ce conflit qui ne se terminera peut-être jamais. Et évidemment, c'était très bon, très bien dit. Et je rends hommage à ce monsieur-là et à ce groupe System of a Down, qui a toujours été très engagé. en lançant cette chanson-là qui s'appelle Soldier Side, une excellente chanson de l'album Hypnotize, si je me rappelle bien. Et ben, ça traduit bien ce que je pense, ce qui se passe un peu là-bas du côté des gens qui sont obligés de se battre. Et donc, on vous envoie ça dans vos oreilles. Soldier Side, System of a Down, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Maximal Sumo. Fin. Et oui, de retour à puissance maximale après cette excellente chanson de System of a Down, Soldier Side. Et nous retournons en nouvelle ludique, mesdames et messieurs. On revient à un côté plus joyeux. Et on va parler de piratage. On en parle souvent à l'émission. On a parlé de piratage responsable. Je l'ai fait dans le pub de Lévis. On en a parlé à l'émission avec Andrew. On en a parlé avec Diego Lamana, avec Gabriel Godette, Christian Lacroix lors de notre passage à Geekfest. Mais là, on va en reparler pour la Grande-Bretagne. Et si je me fie au site jeuxvideo.com, on nous dit oui, vous avez bien lu. En France, le piratage d'œuvres placées sous le sceau de la propriété intellectuelle est toujours passible de sanctions. Le gouvernement britannique semble-t-il estimer qu'il était vain de procéder à des sanctions pénales face au piratage de musique de films ou de jeux vidéo. Donc, en effet, les accords, en accord avec les instances décisionnaires du pays, les plus gros fournisseurs d'accès Internet ont trouvé un accord avec l'industrie du divertissement afin d'accentuer la sensibilisation au téléchargement illégal de contenu copyrighté, donc avec des droits d'auteur, plutôt que de recourir à des sanctions plus sévères. Les fournisseurs d'Internet plus modestes devraient suivre dans la foulée. Le nom de baptême de ce partenariat s'appelle Creative Content UK. Donc, ainsi, des mails d'alerte pédagogique renseignant sur les offres légales déjà en place seront envoyés aux contrevenants pris de, sur le, justement en train de faire des downloads de ce genre-là. Aucune poursuite ne sera engagée à leur encontre en cas de récidive. Baptisé le Voluntary Copyright Alert Program, donc le VCAP, le programme n'abandonnera pas pour autant les chasses aux sites de piratage. Donc, on nous parle d'un objectif et de deux axes pour y parvenir. Donc, le Creative Content UK se reposera sur deux éléments clés pour mettre en œuvre son Adopi maison, donc la loi Adopi française, on se réfère à ça ici. Donc, le premier déployé avant le printemps 2015 consistera en une grande campagne de sensibilisation à l'éducation multimédia dirigée par les créateurs de contenu et pour partie financée par le gouvernement britannique. Le but est de favoriser une meilleure appréciation de la valeur des œuvres de divertissement et de la propriété intellectuelle. Là, je lis ça, puis en lisant ça, je suis vraiment pas convaincu. C'est toujours bon, la sensibilisation, mais le résultat à la fin, ce sera à voir. Sinon, le deuxième élément sur lequel repose l'initiative est donc un programme d'alerte d'utilisateurs, comme on disait plus haut, qui sera conjointement financé et dirigé par les fournisseurs d'accès Internet et les créateurs de contenu. Donc, quand on parle de créateurs de contenu, bien évidemment, on parle de l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma et l'industrie du jeu vidéo. Mise en place à une date ultérieure, les participants à cette opération alerteront les clients que leur connexion est suspectée de partager illégalement du contenu copyrighté. Un message indiquant les endroits où se procurer légalement des œuvres adossées à la propriété intellectuelle sera joint à la lettre. D'accord? Le gouvernement britannique donc soutiendra l'initiative à hauteur de 3,5 millions de livres sterling. Reste à savoir si cette campagne, et je continue à lire justement l'article de jeuxvideo.com, donc si cette campagne destinée à renseigner davantage sur les moyens légaux de se procurer du contenu en ligne sensibilisera suffisamment la population pour réduire le piratage. Et ça se termine un peu comme ça. Écoutez, je suis vraiment pas convaincu. Le côté de non-sanction, OK, ça va. De toute façon, il pourrait, juste pour une question logistique, il ne pourrait pas encombrer les palais de justice avec tous les pirates qui pourraient pogner, premièrement. C'est une question de logique. Mais là, à savoir si c'est correct, c'est louable de sensibiliser les gens. Mais moi, je trouve qu'on met encore une fois trop d'emphase sur le pirate et pas assez sur les modèles d'affaires des industries concernées. Oui. Je sais pas. Pour vous, messieurs, madame, ceux qui sont autour de la table, ce que vous en pensez, monsieur Materne? Ben, c'est sûr que l'industrie du disque et l'industrie du film en général peuvent revoir leur modèle d'affaires. Surtout l'industrie du disque, qui, genre, les artistes ont quasiment rien pour ce qu'ils font, tandis qu'ils ramassent la grosse panacée et ils veulent pas descendre leur prix pour pas du en profit puis en s'en prend sa quantité. Mais la seule chose la plus simple serait pas simplement de mettre un frais sur ta connexion Internet, dire c'est tant par mois pour droit d'auteur, comme pour ta TV, comme pour ta radio, je veux dire. Pis, pourquoi pas, mais effectivement. Ils se remboursent avec ce frais-là, comme ils font pour la TV et la radio. Comme parce que, encore une fois, l'Internet, là, parce que c'est pas mal des incontournables maintenant. C'est rare, les gens, comme à une certaine époque, rares étaient les gens qui n'avaient pas le câble. Maintenant, c'est il y a des gens de plus en plus qui ne s'abonnent plus à la télévision. Internet s'est rendu. Ben, quand tu payes ton corps, tu payes pour une partie de droit d'auteur. Pourquoi pas? Les saisons télé, ils n'ont pas les films pour gratuit. Les publicités servent à ça, payer le film. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne suggestion, hein, M. Materne. M. Castegan, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, au niveau de la musique et du film, je suis du même avis que M. Materne. Sinon, pour l'industrie du jeu vidéo, au niveau du piratage, à mon avis, le PC s'en tire quand même très bien. La sensibilisation, comme je disais, avec les plateformes de distribution comme Steam qui vient rechanger les choses, de plus en plus de joueurs PC. Avec des prix intéressants, des belles publicités. Sont de plus en plus. En fait, tout part de la digitalisation du produit. Ouais. Une fois que la digitalisation du produit a bien passé, permet d'avoir des meilleures promotions et les pirates sont de plus en plus enclins à acheter le produit. Tout à fait. Et en même temps, ben, les marges de profit sont beaucoup plus faciles pour les éditeurs dans ce temps-là parce qu'il n'y a pas de dépenses au niveau d'une production physique du produit. Par contre, c'est sûr que l'industrie du jeu vidéo de la console reste quand même victime de ce piratage-là parce que malheureusement, ils sont encore très dépendants du matériel physique. La marge de profit est plus basse aussi. Mais d'autres industries, par exemple, comme on va y aller avec les films de répertoire et l'industrie de l'animation japonaise, ces deux industries-là, je pourrais dire qu'honnêtement, tu peux pas changer mode d'affaire de ça, comme j'ai dit dans mes blogs. Ben, ça dépend. L'animation japonaise, c'est 1% de marge de profit. Non, mais l'animation japonaise, je te dirais, j'ai regardé les résultats financiers de Crunchyroll, puis oui. Ça l'a beaucoup augmenté. Il y a plus en plus de monde qui s'abonne à Crunchyroll simple principe que Crunchyroll a intégré le simulcast. Mais ce que je veux dire, c'est oui, Crunchyroll, c'est une chose qu'on met à part qui marchait pas pour une couple d'années, mais qui commence à marcher là, parce que Devil l'avait essayé avant, puis c'était pété la gueule, mais royalement. Ouais, mais là, on est ailleurs au niveau des plateformes innovatrices. Mais ça l'aide au niveau du piratage. Mais si on va au niveau du DVD, du support physique, tu peux pas pirater cette industrie-là puis penser que ça va, qu'elle va survivre. Non, dans ce genre, cette industrie d'exportation-là, parce qu'on l'appelle là, au Japon. De passionné qui est très de niche. Là, parce que je ne veux pas être plate pour les fans d'anime, vous n'êtes pas un million. Vous non, êtes 400, 500. Là. Non, c'est ça, vous n'êtes pas beaucoup. Mais c'est ça, des plateformes comme Crunchyroll qui, pour des prix quand même. Netflix aussi, pour des prix raisonnables, vous permettent d'avoir de la bonne qualité. Là, avec ces services-là, les studios sont payés. Les artistes sont payés. Voilà, c'est ça. Je veux dire, ça, c'est des belles alternatives. Comme on parle pour Steam, on a parlé dans Ou encore, il y a Wakanim aussi. Si vous voulez avoir votre matériel en français, là, puis en plus, sans DRM. Mais dans le film d'auteur ou dans le film importé, c'est pas encore tout à fait ça. Mais c'est des trucs qui s'améliorent aussi de jour en jour, d'année en année. C'est certain, un modèle d'affaires pertinent. Mais c'est tout à fait. C'est des beaux modèles à suivre, justement, puis à l'encourager. Mais sinon, dernier point là, pour l'industrie du jeu vidéo, je dirais que les grandes industries devraient s'inspirer un peu plus du marché de l'indépendant. Tout à fait. Puis aussi, il faut pas oublier que l'industrie du jeu vidéo ont eux-mêmes implanté le problème qu'ils ont présentement avec les gros titres qui leur coûte une beurrée à faire, puis qui n'ont pas le choix de vendre à gros prix dès la sortie, puis qui vendent souvent de moins en moins parce que les gens deviennent justement de plus en plus critiques face à ces franchises-là. Mais aussi, en même temps, c'est que les studios arrêtaient de mettre des DRM, arrêtaient de mettre un système de validation de licence en ligne, ça sert à rien. Ça sert à rien. À part faire chier le monde qui ont acheté le jeu. Oui, tout à fait. Et augmenter beaucoup. On parlait de Uplay, là. Oui. Tu sais, le fameux système vraiment qui sert à rien d'Ubisoft, là. Parce que, je veux dire, ça arrête aucunement le piratage des jeux, premièrement. Puis ça fait justement chier vos consommateurs qui ont payé le gros prix. Puis ça peut poser des problèmes sur certaines machines PC. Puis c'est vraiment ridicule. Ben non seulement ça, c'est aussi... Puis faites donc des jeux complets. C'est une grosse cote dans leur budget parce qu'il faut qu'ils programment ça à côté. Fait que c'est sûr qu'ils font moins d'argent. Hein? C'est de l'argent qu'ils vont prendre dans leur poche, qu'ils vont investir ailleurs, puis pour des résultats, ma foi, des plus mitigés. Oui, effectivement. Voilà, c'est dit. Écoutez, c'est toujours louable. De toute façon, sanctionner les pirates, c'est sûr qu'ils vont pas sanctionner le gars qui download un film une fois de temps en temps, ça va être les gros uploaders, ceux qui partagent beaucoup. Mais quand même, c'est pas demain la veille, je pense que ça va se voir des gens traîner en tout cas, pas dans le Commonwealth, le Grand Empire britannique. Aux États-Unis, on sait jamais. En France, ils essayent avec leur Adopi, mais bon. Bref, à surveiller, une nouvelle mitigée, on va dire ça comme ça. Monsieur Castegan, vous avez une nouvelle aussi? Oui, une nouvelle que tu avais aussi, toi, de ton côté. Nintendo aurait adopté le Dead Stare, le regard de la mort de Luigi, dans une publicité japonaise que je suis en train de visionner en ce moment même. Mais en fait, il l'a inclus dans une publicité, ils font pas l'emphase dessus, mais il l'a inclus comme ça parce qu'évidemment, le nombre de memes et de gifs animés puis de vidéos qui sont sortis par rapport à ce regard, ma foi, des plus vilains de Luigi. Effectivement, ils ont décidé de le récupérer à leur sauce. Ben en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur que Nintendo patche le jeu. Pour plus qu'on l'aille, ouais, c'est pour ça. Pour plus qu'on l'aille, mais suite à plusieurs mises à jour, c'est toujours pas corrigé. Et maintenant qu'on voit Luigi dans une publicité... Je pense qu'il est là pour rester. Il va rester. C'est correct aussi, là. Puis c'est tellement le fun. Puis en plus, ça déride un peu Nintendo. Surtout, là, on en parle justement dans l'article. Puis je veux le souligner parce qu'effectivement, avec la conférence qu'ils ont eue au E3 cette année, qui a été montée par la gang de Robot Chicken, on voit que Nintendo se prenait pas au sérieux. On était là pour se faire du fun, mais je pense qu'on est dans cet esprit-là. Puis, sans faire, j'ai comme un bon feeling pour Nintendo avec ce qui s'est passé au E3. Mais là, en plus, avec la Wii U, là, que là, ça a commencé, là. Ben oui. Les ventes ont commencé, là. C'est ça, les grosses ventes partent. Je sens du monde chez Nintendo qui doit faire « Ouais, le papier des ventes, il sort! » Non, c'est ça. Ça bouge! Mais sans faire, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient de très cool pour Nintendo pour la prochaine année, 2014-2015, avec les annonces des jeux, cette attitude-là. Mais là, en même temps, là, je vais le dire, Nintendo, parce que tout le monde le sait, là, Nintendo, Microsoft, Sony, ils nous écoutent. Tout le monde là. Nous écoute. Nintendo, là, vous êtes parti sur une lancée où là, vous avez plein de titres de Nintendo qui sont annoncés. Arrangez-vous donc pour que l'année prochaine, vous en ayez d'autres. Effectivement. Parce que le monde y achète vos consoles. Pour jouer. Pour vos jeux. Et visiblement, votre Wii U attire pas les studios tierces à cause de la complexité de la manette, de la programmation. Et vous la manipulez comme des dieux. Tous les jeux de Nintendo, là, ils utilisent le gamepad. Très bien. Très bien. Ça marche numéro un. Puis il n'y a pas de bug. Ou du moins peu. Et là, s'il vous plaît, là, faites pas comme la Wii. Là. Une année où tous vos jeux sortent, puis après ça, il n'y a plus rien. Là, ça a été genre, première année, pas de jeu. Là, on commence à en sortir. On va juste espérer qu'ils vont rester dans cette lancée-là. Mais là, avec le nouveau Zelda, ça va nous tenir au moins occupés jusqu'en 2015. Non, on va espérer. Bon, voilà. Monsieur Castellan, notre nouvelle? Oui, on va parler de Watch Dogs. Ah. Vas-y donc, vas-y. Ben, en fait, on avait parlé là, quelques semaines, même je ne me rappelle même pas si c'est la semaine passée ou l'autre d'avant. Il y avait un fameux mod que des pirates avaient commencé à travailler parce qu'ils s'étaient rendu compte que le jeu sur PC était nivelé vers le bas en frais de... No shit. Oui, en frais de qualité graphique. Ben, la version finale du mode The Worst, qui est le nom du mode, by the way, est maintenant disponible. Et on parle ici là, de énormément de changements. J'ai vu une vidéo, c'est assez impressionnant. Il y a des multiples changements et ajustements pour la pluie, la vitesse, son intensité, le vent, la réaction des arbres. Tout, la distance de la caméra qui est agrandie en mode normal, visé ou sprint, l'ajustement de l'effet de bloom pour les tempêtes, que ça c'est comme l'orage et tous les effets d'environnement, l'ajustement des paramètres colonométriques et correction des bugs d'écran noir et autres petits changements. Et dans autres petits changements, je suis allé voir sur le site en tant que tel et ils disent que certains ordinateurs, ça réglerait le problème de drop de frame rate. Donc, tu me regardes, là? Oui, je regarde parce que tu pourrais avoir un 2 pour 1, M. Michaud, si tu installerais ce mode-là. Tu pourrais non seulement avoir les qualités dans le pré-lore de ton jeu de Watch Dogs, comme il a été présenté au E3 en 2012, et on parle de 2012, il y a 2 ans, ouais. Donc ça va vous permettre d'avoir la qualité que le jeu était supposé d'avoir, en plus d'un petit patch fait par des fans, des modeurs, qui corrigerait ton bug qui t'empêche de jouer actuellement et d'apprécier ton jeu. Bien, allez, il va falloir regarder ça ensemble, M. Castellan. Bien, sur le site de jeuxvideo.com, tu as le lien. Bien, on va aller voir ça. Mais de toute façon... Et by the way, il faut que tu prévois un download de 770 MB. Ouais, mais maintenant, j'ai bande passante illimitée. Ce n'est plus vraiment un problème. Dis-je avec le grand sourire, parce que j'aime beaucoup ma bande passante illimité. Et sinon, j'ai une nouvelle rapide juste pour toi, M. Michaud. Oui! Vas-y donc pour terminer cette magnifique émission. Farming Simulator sera de retour avec la mouture 2015. C'est un succès retentissant du 2014 sur Xbox 360 et PS3. Farming Simulator. Il sera de retour sur PS4 et Xbox One avec un nouveau moteur graphique et un menu arrangé et un nouveau moteur physique. Il faut croire qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Et il sortira... les fameux fermiers allemands. Non, c'est à cause c'est un simulateur allemand. Ah, ok, voilà. Tu sais, ceux-là qui sont généralement très mauvais. Est-ce qu'ils ont un DLC pour les moissonneuses-batteuses? Ils sont déjà dans le jeu, Marc-Camille. Ah, tu vois que c'est pas fait par Maxis. Il y a une belle photo où tu vois des tracteurs, des moissonneuses, et tu vois même des pépines. Oh, oh, des pépites, j'achète. Ouais, mettez-moi du Slipknot, une pépine. C'est clair. Mais écoutez un peu de Slayer, là, puis vous m'allez faire de la pépine, ça va être malade. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Cette nouvelle qui met fin à l'émission Puissance Maximale de cette semaine. Je tiens à remercier tous mes collaborateurs qui étaient là cette semaine. M. Pierre-Luc Pelletier, qui nous a parlé via Skype enregistré des vieux pays. Merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous avoir parlé d'ampoules et de l'Internet des objets. Merci beaucoup à M. Julien Materne qui nous a parlé de Batman. Merci beaucoup, les gars. Et aussi à Mercamé qui s'est glissé comme ça dans la conversation. Je suis là. Bonjour. Et merci beaucoup à M. Castegan. Bonjour. Au revoir. Merci. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions, écouter nos podcasts, nos entrevues, tout ce qu'on a mis là-dessus. Go, go, go! Allez sur la page Facebook de Puissance Maximale. Grâce à ça, vous allez pouvoir participer à nos concours. Et justement, les gagnants du concours de la semaine passée, il y a Mme Rachel Saint-Maurice qui se mérite le prix de Pink Vivi et M. Francis Brown qui se mérite 4 billets pour se rendre au Pub La Revanche. Donc, on vous contacte pour avoir vos coordonnées. On vous dit également, mesdames et messieurs, d'aimer notre page Facebook si vous voulez participer à ces concours, si vous voulez nous suivre. Et aussi, si vous voulez nous envoyer des messages, poser des questions, faire des demandes spéciales pour la musique, voilà. Et, mesdames et messieurs, je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu! We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we... One, two, three, four, die!